Richesse de la phonothèque. Choix de nouvelles diffusions sélectionnées par Guy Delaunay, qui vous propose aujourd'hui Judith de Hébel. Judith, tragédie en cinq actes de Frédéric Hébel, traduction de Gaston Gallimard et Pierre Delanux, avec Sylvia Monfort dans le rôle de Judith et Daniel Hivernel dans celui d'Holoferne. Et avec, dans les principaux rôles, par ordre alphabétique, Marcel André, Nelly Borgeau, Michel Bouquet, Jean-Roger Cossimon, Pierre Delbon, Philippe Derez, Simon Haine, Jacques Fayet, Jacques Fonson, Marcel Lemarchand, Marie Letourneur, Henri Nassier, René Roussel et Lily Sioux. Réalisation, Guy Delaunay. Écoutez tout d'abord la présentation de Monsieur Alfred Kern. La pièce que vous allez entendre est une des plus intéressantes de Hébel, un auteur dramatique allemand, peu connu en France, malgré l'ancienneté de cette traduction, qui d'ailleurs marque les débuts de Gaston Gallimard dans la vie littéraire parisienne. Hébel, à l'époque, passait un peu pour un auteur naturaliste, mais lorsqu'on regarde de près, c'est un des trois grands à côté de Büchner, Kleist, des théâtres allemands du XIXe siècle. Cette première pièce, il l'a écrite à 27 ans, mais c'est pourtant une œuvre d'adolescence, j'allais dire. Et il marque ses débuts un peu comme Tête d'or de Claudel, c'est-à-dire il se livre tout entier. Et il faut bien dire que les personnages de cette pièce, au fond, sont les délégués du moi intime, d'un moi, si vous voulez, très possessif, un gros moi, mais extrêmement contrarié, à cause des débuts difficiles, extraordinairement difficiles, de la vie de Hébel, surtout lorsqu'on le resitue dans son contexte. C'est un fils de maçon. En Allemagne du Nord, aux environs, disons, de 1820-1830, il va à l'école. Quelle pouvait être la promotion sociale pour un fils de maçon? Il n'y avait pour lui que, comme pour beaucoup d'autres écrivains du XIXe siècle, qu'une issue, c'était l'école, c'était les études. Au prix de nombreuses difficultés, il arrive à être scribe chez un bailli qui lui confie des tâches quotidiennes. Se sentant détesté par son père et le détestant, fait le transfert classique sur son nouveau maître. C'est donc à la fois un rebelle et un soumis. Mais un soumis qui vit dans une sorte de latence, il est obligé, comme d'ailleurs Stendhal, de se grimer, de différer sa spontanéité. Il a d'abord tenté lui-même de faire une troupe théâtrale, il est tenté par le théâtre. À 18 ans, il a monté une troupe, ça n'a pas tardé, c'était un échec. Donc très tôt, à cause de cette impossibilité de s'asseoir socialement, il va adopter, pour ainsi dire, les traits d'Holoferne. C'est pour ça que je parlais un peu de Tête d'or. Mais en même temps, c'est lui, Judith, comme Flaubert, Madame Bovary. Il vit donc, si vous voulez, dans un rapport extrêmement équivoque avec ses propres personnages et son entourage. Il finit à peu près cette pièce aux environs de Noël. Et il note dans son journal, « Je me trouve là, il y a eu cet après-midi, un soleil presque printanier. Depuis 3 ans, je n'ai pas été heureux, mais j'ai devant moi la Bible ouverte. » Et Judith. Judith, ce n'est pas la Judith de la Bible. D'ailleurs, il n'en veut pas, il le dit lui-même. Judith, eh bien, c'est une vierge. Elle avait un mari qui n'a pas pu consommer le mariage. Il meurt d'ailleurs devant elle. Mais elle se sent outragée. C'est la préfiguration de la situation qui se reproduira devant Holoferne, qui lui-même, dans un cauchemar, aura déjà joué, comme dans un psychodrame, le drame qui va s'accomplir par la suite. Il se croit attaqué. Il, dans le sommeil, il se lève, prend un glaive, au lieu de tuer l'agresseur imaginaire apparu dans le rêve, il retourne l'épée contre lui-même, sans naturellement aller jusqu'au bout. Et dans le cas de Judith, ce n'est que parce qu'elle sent que lui, Holoferne, après l'avoir possédé, la possède une nouvelle fois dans le rêve, qu'elle décide de le tuer et d'emporter comme le trophée au peuple d'Israël la tête d'Holoferne. Donc il y a toujours une sorte de prémonition qui fait que les choses arrivent. D'ailleurs, il fait une distinction très nette entre le fait d'être et d'agir et l'action au sens délibéré, prévu. C'est par un phénomène de convergence que les choses s'établissent et que le tragique qu'il étend d'ailleurs d'une situation particulière à l'univers entier, on a parlé du pantragismus de Hebel, c'est-à-dire le pan tragique, si vous voulez, eh bien, et c'est une sorte de philosophie permanente chez lui, il s'emparera des sujets bibliques, italiens, grecs, et tout son théâtre tournera toujours pratiquement autour du thème de la femme. La première, une des peut-être les plus saisissantes apparitions, étant évidemment Judith. Le camp d'Holoferne. Le sacrifice. À quel dieu ? À qui a-t-on sacrifié hier ? Nous avons tiré au sort, suivant tes ordres, et le sort désigna Baal. Donc Baal, aujourd'hui, n'a plus faim. Offrez le sacrifice à un dieu que vous connaissez tous, et que pourtant, vous ne connaissez pas. Holoferne commande que nous offrions le sacrifice à un dieu que nous connaissons tous, et que pourtant, nous ne connaissons pas. C'est le dieu que j'ai révère le plus. Garde! Que veut Holoferne? Celui de mes guerriers qui veut se plaindre de son capitaine. Qu'il sorte du rang. Fais-le savoir. Celui qui veut se plaindre de son capitaine qu'il se présente. Holoferne l'entendra. J'accuse mon capitaine. De quoi? Au cours de l'assaut d'hier, je m'étais emparé d'une esclave, si belle que je me trouvais timide devant elle et n'osais la toucher. Le capitaine s'en vient dans ma tente vers le soir, en mon absence. Il voit la petite, et il la tue parce qu'elle lui résiste. Qu'on mette à mort le capitaine accusé. Vite! Et aussi, l'accusateur. Emmène-les. Pourtant, que le capitaine meure le premier. Tu veux qu'on me tue avec lui? Parce qu'à mon gré, tu es trop hardi. C'est pour vous éprouver que je fis proclamer cet avis. Si j'allais admettre les plaintes de tes pareils contre vos capitaines, qui me garantirait ensuite des griefs des capitaines? C'est pour toi que j'épargnais cette fille. Je voulais te l'amener. Si le mendiant trouve une couronne, il sait bien qu'elle appartient au roi. Le roi ne s'attarde pas à le remercier lorsqu'il la rapporte. Pourtant, je veux te récompenser de ta bonne intention, car je suis indulgent ce matin. Tu pourras te griser avec mon meilleur vin avant qu'on te mette à mort. Va. Fais brider les chameaux. C'est déjà fait. Ah, l'avais-je non ordonné? Non, mais je pouvais m'attendre à te voir bientôt l'ordonner. Et qui es-tu? Qui te permet de venir me voler mes pensées dans ma tête? Je ne veux pas de ces façons prévenantes, insinuantes. Un, c'est ma volonté. Deux, vos actes, non l'inverse. Rappelle-toi ça. Pardonne. Voilà le secret ne pas se laisser déchiffrer. Toujours demeurer une énigme. L'eau ne connaît pas cet art. On a opposé à la mer une digue et creusé un lit au fleuve. Et le feu non plus ne le connaît pas. Il est tombé si bas que les marmitons en ont pénétré le mystère. Et maintenant, il lui faut cuire le chou du premier gueux venu. Ah, même pas le soleil. On a découvert le secret de ses voies. Et Saftier et Tailleur se servent de son ombre pour mesurer le temps. Mais moi, je connais cette heure. Aussi sont-ils autour de moi guettés, épiant à travers les fentes et les fissures de mon âme, et cherchant à forger avec chacune de mes paroles un crochet pour forcer la chambre de mon cœur. Mais pour moi, aujourd'hui ne s'inquiète jamais d'hier. Non, je ne suis point l'un de ces fous qui, dans leur lâche vanité, tombent à genoux devant eux-mêmes et font de chaque jour l'adorateur du précédent. Je hache en pièces gaiement l'holoferne d'aujourd'hui et le donne en pâture à celui de demain. Je ne vois pas seulement dans la vie un ennuyeux engraissement, mais une fluctuation et une renaissance éternelle de l'être. Même, il me vient à l'idée quelquefois, parmi tout ce peuple niais, que seul je suis vivant, qu'ils ne sauraient parvenir au sentiment de leur propre existence que lorsque je leur tranche bras et jambes. Ils s'en aperçoivent d'ailleurs de plus en plus, mais au lieu de se rapprocher de moi et de grimper après moi, ils se retirent misérablement et me fuient comme le lièvre devant un feu qui menace de lui roussir la moustache. Connais-je donc un ennemi, un seul qui ose venir à ma rencontre? Ah, je voudrais l'embrasser, je voudrais, l'ayant jeté dans la poussière après un rude combat, m'élancer sur lui et mourir avec lui. Nabuchodonosor n'est rien, hélas, qu'un ombre orgueilleux qui, pour se distraire, se multiplie éternellement par lui-même. Si je lui ôte, moi et l'Assyrie, il ne restera de lui qu'une peau humaine bourrée de graisse. Je veux lui soumettre le monde. Et quand il l'aura, je le lui reprendrai. Un messager de notre grand roi vient d'arriver. Amène-le-moi immédiatement. Manuk, es-tu assez souple encore pour te courber? Nabuchodonosor veille à ce que tu n'en oublies pas la façon. Nabuchodonosor, devant qui la terre se prosterne, à qui sont dévolues la force et la puissance de l'Orient à l'Occident, à son général Holoferne envoie son salut souverain. Humblement, j'attends ses ordres. Nabuchodonosor n'entend pas que d'autres dieux que lui soient adorés désormais. S'il a pris cette décision, c'est sans doute à la nouvelle de mes dernières victoires. Nabuchodonosor commande qu'il ne soit sacrifié qu'à lui seul, et que les autels et les temples des autres dieux soient anéantis par le feu. Un seul, au lieu d'un si grand nombre. Voilà qui est fort commode. Mais pour personne autant que le roi lui-même. Il prend à la main son casque brillant et fait ses dévotions devant sa propre image. Faudra seulement qu'il se garde des coliques, afin de ne point s'effrayer par des grimaces. Nabuchodonosor, n'a plus mal aux dents ce mois dernier, sans doute? Grâce aux dieux. Ah non, tu veux dire grâce à lui-même. Nabuchodonosor commande qu'il lui soit offert un sacrifice chaque matin au lever du soleil. Aujourd'hui, il est malheureusement trop tard. Nous penserons à lui au coucher du soleil. Nabuchodonosor, enfin, commande à l'Holoferne de te ménager et de ne point risquer ta vie en toute occasion. Oui, mon ami, si les épées dans les hommes étaient capables d'exécuter quelque chose de bon. Et puis, vois-tu, jamais je ne compromets si gravement ma vie qu'en buvant à la santé du roi. Et cela, je ne puis renoncer. Nabuchodonosor a dit que nul de ses serviteurs ne saurait te remplacer et qu'il te réservait encore beaucoup à faire. Bon. Je m'aimerai moi-même, puisque mon roi l'ordonne. Je baise l'escabeau sous ses pieds. Garde! Que veut Holoferne? Il n'est point d'autre dieu que Nabucodonosor. Annonce-le. Il n'est point d'autre dieu que Nabucodonosor. Il n'est point d'autre dieu que Nabucodonosor. Il n'est point d'autre dieu que Nabucodonosor. Prêtre, tu as entendu ce que j'ai fait proclamer? Oui. Alors va-t'en démolir le Baal que nous traînons avec nous. Je te fais cadeau du bois. Comment pourrais-je détruire ce que j'ai adoré? Baal n'a qu'à se défendre. De deux choses l'une. Tu briseras le dieu, ou bien tu te pendras. Je briserai. Baal porte des bracelets d'or. Maudit soit Nabucodonosor. Maudit soit-il pour avoir conçu une grande pensée. Une pensée qu'il ne peut mener à bien, qu'il ne peut que gâcher et rendre ridicule. Je le sentais depuis longtemps. L'humanité n'a qu'un grand but, enfanter un dieu. Et ce dieu qu'elle enfantera, comment lui prouvera-t-il sa divinité? Sinon en s'opposant à elle par un éternel combat. Il faudra qu'il réprime tous les mouvements insensés de la pitié, de l'horreur de soi-même, du vertige devant sa tâche monstrueuse, qu'il broie cette humanité, et que même à l'heure de la mort, il lui arrache encore un cri d'allégresse. Nabucodonosor sait se rendre la tâche plus facile. Le crieur public le consacre Dieu. Et moi, je dois livrer au monde la preuve de cette divinité. Baal est-il détruit? Il est en train de flamber. Puisse-t-il le pardonner? Il n'est point d'autre dieu que Nabucodonosor. Je t'ordonne de découvrir les raisons à l'appui. Je paierai chaque raison une once d'or. Et tu as 3 jours. Je souhaite satisfaire à l'ordre. Des envoyés d'un roi demandent audience. De quel roi? Pardonne, on ne saurait en vérité retenir les noms de tous les rois qui viennent s'humilier devant toi. C'est la première impossibilité qui me plaise. Amène-les. C'est ainsi que le roi de Libye se jettera devant toi dans la poussière, si tu lui témoignes la faveur de faire ton entrée dans sa capitale. Pourquoi n'êtes-vous pas arrivé hier? Pourquoi pas avant-hier? Seigneur. La distance était-elle trop grande ou trop faible le respect? Oh, malheur à nous. La colère emplit mon âme, la colère contre Nabucodonosor. Non, il faut cependant que je sois clément, afin que cette race rampante n'aille pas s'enorgueillir d'être la cause de ma colère. Levez-vous et dites à votre roi... Des envoyés de Mésopotamie. Introduis-les. La Mésopotamie offre au grand Holoferne sa soumission, si elle peut obtenir ainsi miséricorde. La miséricorde, je la donne, je ne la vends point. La Mésopotamie se soumet sans condition, elle espère seulement miséricorde. Je ne sais si je dois répondre à cet espoir. Vous avez tardé longtemps. Pas plus que ne l'exigeait la longueur de la route. Tant pis. J'ai juré d'anéantir le peuple qui viendrait le dernier s'humilier devant moi. Je dois tenir mon serment. Nous ne sommes point les derniers. Nous avons entendu dire en chemin que les Hébreux, seuls entre tous, veulent te braver et se sont retranchés. Ah. En ce cas, portez à votre roi la nouvelle que j'accepte sa soumission. À quelles conditions, c'est ce qu'il apprendra par ceux de mes capitaines que je lui enverrai pour l'exécution du traité. Vous en direz autant à votre roi. Qui sont ces Hébreux? Seigneur, c'est un peuple d'insensés. Déjà, tu t'en aperçois à ce qu'ils osent te résister. Tu peux le reconnaître mieux encore à ce qu'ils adorent un dieu qu'ils ne sauraient voir ni entendre, dont personne ne sait où il habite, et auquel ils offrent cependant des sacrifices, tout comme s'ils les regardaient du haut de l'autel, farouche et menaçant, ainsi que nos dieux. Ils vivent dans la montagne. Quelle ville ont-ils? De quoi sont-ils capables? Quel roi règne sur eux? Combien de troupes sous ses ordres? Seigneur, ce peuple est défiant et dissimulé. Nous n'en savons sur eux guère plus qu'eux-mêmes sur leur invisible dieu. Ils craignent le contact des étrangers. Ils ne mangent ni ne boivent avec nous. C'est tout au plus, ils se battent avec nous. Mais que parles-tu si tu ne peux répondre à mes questions? Que les chefs des Moabites et des Ammonites paraissent devant moi. J'ai de l'estime pour un peuple qui veut me résister. Dommage que je sois obligé d'anéantir tout ce que j'estime. Qu'est-ce donc ce peuple qui habite dans la montagne? Seigneur, je connais bien ce peuple, et je vais te dire ce qu'il en est. Ce peuple est méprisable lorsqu'il part en campagne avec des piques et des épées. Les armes entre ses mains sont de vains jouets que brise son propre dieu, car il lui défend de combattre et de se souiller de sang, et veut anéantir ses ennemis tout seul. Mais ce peuple est redoutable quand il s'humilie comme son dieu l'exige, quand il se jette à genoux et répand de la cendre sur sa tête, quand il pousse des gémissements et lui-même se maudit. C'est alors comme si le monde devenait différent, comme si la nature oubliait ses propres lois. L'impossible devient réel. La mer se partage en sorte que les eaux des deux côtés se dressent comme des murailles, entre lesquelles s'ouvre une route. Du ciel, on voit tomber du pain, et du désert jaillit un frais breuvage. Comment s'appelle leur dieu? À leur sens, c'est le volet que de prononcer son nom, et il tuerait certainement l'étranger qui l'oserait. Quelle ville possède-t-il? Béthulie est le nom de la ville la plus proche, et que tu vois là-bas. C'est elle qu'ils ont fortifiée. Mais leur capitale s'appelle Jérusalem. J'y suis allé. Et j'ai vu le temple de leur dieu. Il n'a point son pareil sur la terre. Tandis que j'étais en admiration devant lui, quelque chose me semblait se poser sur ma nuque et me courber jusqu'à terre. Je me trouvais soudain à genoux et sans savoir moi-même comment la chose était arrivée. Je faillis être lapidé car en me relevant, j'éprouvais le désir invincible d'entrer dans le temple. Et c'est un crime puni de mort. Une belle jeune fille me barra le chemin et m'avertit. Je ne sais si ce fut pitié pour ma jeunesse ou crainte de voir un païen souiller le temple. Écoute à présent, ô Seigneur, et ne méprise point mes paroles. Enquière-toi si ces gens ont péché contre leur Dieu. S'il en est ainsi, marchons contre eux, et leur Dieu à coup sûr les remettra entre tes mains, et tu les fouleras sans peine. Mais s'ils n'ont point péché contre leur Dieu, retourne en arrière, car leur Dieu les protégera, et nous deviendrons la risée du pays tout entier. Tu es un héros puissant, mais leur Dieu est trop fort. S'il n'a personne à t'opposer qui te ressemble, il peut te contraindre à te soulever contre toi-même et à te détruire de tes propres mains. Est-ce par frayeur ou perfidie que tu prophétises? Je pourrais te châtier pour avoir osé craindre en ma présence un autre que moi, mais je n'en ferai rien. Et tu auras prononcé ta sentence toi-même. Ce qui attend les Hébreux t'attend également. Saisissez-le et emmenez-le sans lui faire de mal. Et celui qui l'abattra lors de la prise de la ville et m'apportera sa tête, je la lui pèserai avec de l'or. Maintenant, à Béthulie! L'appartement de Judith. Que dis-tu de ce songe? Ah, tu ferais mieux d'écouter mes paroles. Je marchais. Je marchais, et j'étais en grand hâte, et pourtant sans savoir vers quoi j'étais poussée. Par moments, je m'arrêtais et réfléchissais. Il me semblait alors que j'étais en train de commettre un grand péché. « Va, va, » me disais-je. Et je marchais plus vite qu'auparavant. Éphraïm vient de passer. Il était tout triste. Soudain, je me trouvais sur une haute montagne. J'eus le vertige. Puis je fus rempli de fierté, le soleil était si près de moi. Je lui faisais signe de la tête et toujours regardais en haut. Tout à coup, je distinguai un précipice à mes pieds, à quelques pas de moi, sombre, immense, plein d'une fumée épaisse. Et je ne pouvais reculer, ni demeurer. J'avançais en chancelant. « Dieu ! Dieu ! » m'écriai-je dans ma frayeur. « Me voici !» répondit du fond du gouffre une voix douce, accueillante. Je m'élançai, de tendres bras me saisirent, je crus reposer sur la poitrine de quelqu'un que je ne voyais pas, et je me trouvais ineffablement bien. Mais j'étais trop lourde, il ne put me soutenir. Je tombais, je l'entendis pleurer, et quelque chose comme des larmes brûlantes tomba goutte à goutte sur ma joue. Je connais un devin. Dois-je l'appeler? C'est malheureusement contraire à la loi. Mais je le sais, on ne doit point mépriser de tels songes. Vois-tu, je me figure les choses ainsi. Lorsque l'homme repose dans le sommeil délié et non plus retenu par la conscience de soi, un sentiment de l'avenir chasse toutes les pensées et les images du présent. Et les choses futures sont des ombres qui glissent à travers l'âme, la préparent, l'avertissent, la consolent. De là vient que nous sommes si rarement surpris en vérité. Le sommes-nous jamais? Longtemps à l'avance, nous espérons le bien avec confiance et tremblons malgré nous à l'approche de tout mal. Je me suis souvent demandé si peu de temps avant sa mort, l'homme rêve encore. Pourquoi n'écoutes-tu jamais quand je te parle d'Éphraïm? Parce que les hommes me font horreur. Mais cependant, tu as eu un mari? Il faut que je te confie un secret. Manassès était fou. Impossible! Comment ne le sais-je pas vu? Il l'était. Il me faut prononcer ce mot. Si je ne veux pas m'effrayer de moi-même, ni me croire un être néfaste et redoutable. Écoute, je n'avais pas 14 ans lorsque je fus conduite à Manassès. Tu te souviens de ce soir-là? Tu m'accompagnais. À chaque pas que je faisais, mon cœur se serrait davantage. Je croyais tantôt que j'allais cesser de vivre, tantôt que je commençais à peine. Et le soir... Oh, si séduisant, si suborneur, on y pouvait résister. Le vent tiède soulevait mon voile comme voulant dire « Voici le temps ». Mais je le retenais ferme, car je sentais mon visage s'embraser, et j'en étais honteuse. Mon père marchait à mon côté. Il était très grave et tenait bien des propos à quoi je ne prêtais pas attention. Parfois, je levais les yeux vers lui, puis songeais « Certes, Manassès doit être différent. » N'as-tu donc pas remarqué tout cela? Tu étais bien là, toi aussi. J'avais honte avec toi. J'arrivai enfin dans sa maison et sa vieille mère vint à ma rencontre d'un air solennel. Il m'en coûta de lui donner le nom de mère. Il me semblait que ma mère dut le ressentir dans son tombeau et en souffrir. Ensuite, tu m'as frotté de nard et d'huile et j'eus vraiment le sentiment que j'étais morte et que l'on parfumait une morte. Tu dis aussi que je pâlissais. Alors vint Manassès. Et lorsqu'il me contempla timidement d'abord, puis hardiment de plus en plus, lorsqu'il me saisit enfin la main et voulut parler, et n'y parvint pas, ce fut comme si je prenais feu, comme si je flambais de toutes parts. Oh, pardonne-moi de te parler ainsi. Tu appuyas quelques instants ton visage dans tes mains. Puis, tu te relevas vivement et te jetas à son cou. Moi, j'eus bel et bien peur. Je m'en aperçus et te raillais. Je me croyais tout à coup bien supérieure à toi. Mais écoute la suite, Mirza. Nous entrâmes dans la chambre. La vieille accomplit toutes sortes de rites bizarres et prononça une espèce de bénédiction. L'inquiétude m'oppressa de nouveau quand je me trouvais seule avec Manassès. Trois lumières brûlaient. Il pensa à les éteindre. Laisse, laisse, fis-je suppliante. Folle, dit-il. Il voulut me prendre. L'une des lumières s'éteignit alors. C'est à peine si nous le remarquâmes. Il me donna un baiser, et la seconde s'éteignit. Il tressaillit, et moi-même après lui. Puis il se mit à rire. La troisième, dit-il, je l'éteindrai moi-même. Vite, vite, dis-je, car un frisson me parcourait. Il éteignit. La lune brillait claire dans la chambre. Je me glissai dans le lit et elle illuminait tout juste mon visage. Manassès s'écria, je te vois, aussi distincte qu'en plein jour. Et il s'avança vers moi. Soudain, il s'arrêta. Ce fut comme si d'en bas, la sombre terre, étendant une main, l'avait saisie. Je pris peur, viens, viens, m'écriai-je. Et de l'appeler, je n'avais point honte. « Mais je ne peux pas, répondit-il d'une voix sourde et pesante. Je ne peux pas, répéta-t-il. Et il me regardait de façon effrayante avec des yeux hagards. Puis il alla chancelant à la fenêtre et répéta au moins 10 fois de suite. Je ne peux pas. Il ne semblait pas me voir. Il semblait voir un être étrange, épouvantable. Malheureuse. Je me mis à sangloter, je me sentais souillée. Je me haïssais, il m'exécrait. Il me prodigua de douces paroles. Je lui tendis les bras. Mais au lieu de venir, il commença de prier tout bas. Mon cœur cessa de battre. Je sentais mon sang se glacer. Je m'enfonçais en moi-même comme dans une chose étrangère. Et lorsqu'enfin je me perdis peu à peu dans le sommeil, je crus m'éveiller. Le lendemain matin, Manassès était devant mon lit. Il me regardait avec une pitié infinie. J'étais oppressée. Je souhaitais étouffer. Puis ce fut comme si quelque chose se déchirait en moi. J'éclatai d'un rire farouche et pus respirer à nouveau. Sa mère me regarda d'un air sombre et railleur. Je compris qu'elle avait épié. Elle ne me dit pas un mot et s'enfuit dans un coin, chuchoté avec son fils. « Fils !» exclama-t-il soudain, fâché. Il ajouta « Judith est un ange » et voulut m'embrasser. Je lui refusai ma bouche. Il hocha la tête étrangement. Cela lui paraissait juste. 6 mois durant, je fus sa femme. Il ne m'a jamais touchée. Et nous allions ainsi côte à côte. Nous sentions que nous nous appartenions mutuellement, mais quelque chose était entre nous, quelque chose d'obscur, d'inconnu. Parfois, son regard se posait sur moi avec une expression qui me faisait frémir. En un tel moment, j'aurais pu le saisir à la gorge par frayeur, par défense légitime. Son regard pénétrait en moi comme une flèche empoisonnée. Il y a 3 ans, à la moisson des orges, tu sais qu'il revint malade des champs. 3 jours et demi plus tard, il se mourait. Il me parut qu'il allait s'enfuir sournoisement avec un butin volé au plus secret de moi-même. Je me mis à le haïr à cause de sa maladie. Sa mort, semblait-il, me menaçait comme un outrage. Il n'a pas le droit de mourir, s'écriait une voix dans mon cœur. Il n'a pas le droit d'emporter son secret avec lui au fond de la tombe. Il faut rassembler ton courage et le questionner enfin. Manassès, dis-je, qu'était-ce donc lors de notre nuit de noces? Son œil noir s'était déjà fermé. Il le rouvrit avec peine. Je frémis car il semblait se soulever de son corps ainsi que d'un cercueil. Il me considéra longtemps, puis il dit « Oui, oui, maintenant je peux te le dire. Tu... » Mais aussitôt, comme si je n'eusse jamais dû le savoir, la mort s'avança entre lui et moi et ferma sa bouche pour toujours. Dis, Mirza, insensé, ne devrais-je pas le devenir moi-même, si je cessais de tenir Manassès pour insensé? Je frissonne. Tu m'as vu souvent lorsque je paraissais tranquillement assise au métier ou à quelque autre ouvrage, m'abattre soudain en prière. À cause de cela, on me croit pieuse et craignant Dieu. Je te le dis, Mirza. Si j'agis ainsi, c'est que je ne sais plus me sauver de mes pensées. Je prie alors pour m'abîmer en Dieu. Ce n'est qu'une manière de suicide. Je me précipite dans l'éternel comme les désespérés dans l'eau profonde. Tu ferais mieux dans ces moments-là de regarder un miroir. Effarouché, aveuglé par le jeune éclat de ta beauté, les spectres de la nuit s'évanouiraient. Oh, folle! Connais-tu un fruit qui sache se manger soi-même? Il te vaudrait mieux n'être jeune ni belle que d'être pour toi seule. Une femme est un néant. Elle ne devient quelque chose que par l'homme. Par lui, elle devient mère. L'enfant qu'elle met au monde est le seul tribut de reconnaissance qu'elle puisse apporter à la nature en retour de sa propre existence. Malheureuses les femmes stériles. Et moi, doublement malheureuse, qui ne suis point jeune fille, femme non plus. Qui te défend d'être jeune et belle pour d'autres, pour un homme aimé? Ne peux-tu choisir entre les plus nobles? Tu ne m'as comprise en rien. Ma beauté est celle de la belladone. En jouir, c'est chercher la démence et la mort. Ah, que vous voilà paisible. Et Holoferne est devant la ville. Alors que Dieu ait pitié de nous. En vérité, Judith, si tu avais contemplé ce que j'ai vu, tu tremblerais. On jurerait que tout ce qui peut inspirer l'angoisse et la terreur est à la solde du païen. Cette foule de chameaux et de chevaux, de chars et de béliers... Heureusement, les murs et les portes n'ont pas d'yeux. Ils s'écrouleraient de frayeur s'ils pouvaient apercevoir toute cette abomination. Je crois que tu en as vu plus que les autres. Je te le dis, Judith. Il n'y a pas un homme à présent dans tout Béthulie qui ne semble pris de fièvre. Tu parais savoir peu de choses d'Holoferne. Et moi, j'en sais d'autant plus. Chaque parole de sa bouche est une bête dévorante. Lorsque le soir tombe... Il fait allumer les lampes. C'est ce que nous faisons, moi et toi. Lui, il fait mettre le feu à des villages et à des villes et dit « Voilà mes flambeaux, ils me coûtent moins cher que d'autres ». Et il pense être clément lorsque c'est à la flamme d'une seule ville que l'on cuit son rôti et fourbit son épée. Quand il aperçut Béthulie, on dit qu'il se mit à rire et demanda en se moquant à son cuisinier « Crois-tu pouvoir y cuire un œuf d'autruche ?» J'aimerais le voir. Malheur à toi s'il te voyait. Holoferne tue les femmes sous ses étreintes et ses baisers comme les hommes par la pique et l'épée. S'il avait su ta présence dans les murs de la ville, pour toi seul, il serait venu. Qu'en est-il ainsi? Je n'aurais alors qu'à sortir au-devant de lui et la ville et le pays seraient sauvés. Toi seul as le droit d'avoir une telle pensée. Et pourquoi pas? Une seule pour tous. Une qui s'est toujours en vain demandé à quoi sers-tu. Oh, s'il n'est pas venu pour moi, ne pourrait-on l'amener à croire que c'est pour moi qu'il est venu? Le géant élève-t-il sa tête dans les nuages si haut que vous ne pouvez l'atteindre et jeter seulement une pierre précieuse à ses pieds? Il se baissera pour la ramasser et vous le materez sans peine. Mon plan était naïf. Ce qui devait exciter sa frayeur et la jeter dans mes bras la rend hardie. Il me semble qu'un arrêt pèse sur moi quand je regarde dans ses yeux. J'espérais que dans cette commune détresse, elle chercherait un protecteur. Et plus que moi, nul n'était proche d'elle. Judith, tu es si brave que tu cesses d'être belle. Si tu es un homme, tu as le droit de me parler ainsi. Je suis un homme. Et j'ai le droit de t'en dire davantage. Vois-tu, Judith, des temps mauvais s'approchent. Des temps où personne n'est en sûreté que les habitants des tombes. Qu'adviendra-t-il de toi, qui n'a ni père, ni frère, ni époux? Vas-tu faire de l'offerne ton entremetteur? Raille toujours, mais écoute. Je sais que tu me dédaignes. Et si le monde autour de nous ne s'était transformé de façon si menaçante, je n'eusse point reparu devant tes yeux. Vois-tu ce couteau? Il est si brillant que j'y peux voir ma propre image. Je l'aiguisai le jour que tu me repoussas, te riant de moi. Et certes, si les Assyriens n'étaient aux portes, il eût déjà percé ma poitrine. Il ne te servirait plus de miroir. Mon sang l'aurait rouillé. Donne. Ah. Oh, fille. Tu oses parler de suicide et tu trembles pour une piqûre à la main. Tu es devant moi, je te vois, je t'entends, et maintenant je me chéris moi-même car je ne me retrouve plus. Je suis plein de toi. L'on éprouve ce sentiment que dans la nuit profonde, quand rien ne veille plus dans le cœur que la douleur, quand la mort s'appesantit sur l'âme, comme le sommeil sur les yeux, et que sans volonté, l'on croit accomplir ce qu'une invisible puissance commande. Oh, je connais cela. J'étais si loin. J'ignore moi-même pourquoi je n'ai pas été plus loin encore. Courage et lâcheté n'ont rien à voir à cela. C'est comme de clore la porte au verrou si l'on veut dormir. Judith, je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Je ne puis rien à ceci. Et toi, rien à cela. Mais sais-tu ce que c'est que d'aimer et d'être dédaigné? Ce n'est pas comme une autre douleur. Si l'on m'enlève aujourd'hui quelque chose, j'apprendrai demain que je puis m'en passer. Si l'on me fait une blessure, je puis tenter de la guérir. Mais traiter mon amour de folie, c'est faire mentir le meilleur de mon cœur. Car s'il me trompe le sentiment qui m'entraîne vers toi, quelle garantie puis-je avoir que celui qui me prosterne devant Dieu soit vérité? Ne le sens-tu pas, Judith? L'amour peut-il être un devoir? Dois-je tendre ma main à cet homme afin qu'il laisse tomber son poignard? Je le croirais presque. Judith, je te demande une fois encore. C'est-à-dire que je demande à mourir pour toi. Je ne veux qu'être le bouclier où viendront s'émousser les épées qui te menacent. Est-ce là ce même homme qu'un regard vers le camp ennemi semblait avoir anéanti? Qui me paraissait en tel point que je dusse lui prêter l'une de mes robes. Son œil flamboie, son poing se serre. Oh Dieu, J'admire si volontiers qu'il me semble taillé dans ma propre chair lorsque je dois mépriser quelqu'un. Éphraïm, je t'ai fait du mal. J'en souffre. Je voulais cesser d'être à tes yeux digne d'amour, ne pouvant rien t'accorder. C'est pourquoi je trahissais. Je veux te récompenser. Je le puis. Mais malheur à toi si tu ne me comprends pas maintenant. Si dès que j'aurai prononcé le mot, l'action ne se présente pas à ta pensée impérative comme la nécessité même, comme si tu ne vivais que pour l'accomplir. Va tuer Holoferne. Ensuite, exige de moi la récompense que tu voudras. Perds-tu la raison ? Tuer Holoferne ? Au milieu des siens ? Et comment serait-ce possible ? Comment le sais-je ? Je l'aurais fait moi-même. Je sais seulement que c'est nécessaire. Je ne l'ai jamais vu et pourtant je le vois. Moi aussi. Avec ce visage qui n'est qu'un seul regard, un regard dominateur. Et ce pied devant qui la terre qu'il foule semble se dérober en tremblant. Mais un temps fut où il n'était pas encore, un temps peut venir où il ne sera plus. Donne-moi le tonnerre et prends-lui son armée. Alors je me risquerai. Mais maintenant... Veuille seulement. Et du fond des abîmes, du haut du firmament, tu appelleras les forces sacrées, tu t'élères, et elles béniront, protégeront ton œuvre, sinon toi-même, car ce que tu veux, tout l'exige. Cela même que couvait de tout-puissant la première colère, et ce que la nature, dans des rêves atroces, médite en grinçant des dents, elle qui tremble devant l'accouchement colossal de son propre flanc et qui n'enfantera pas un second homme semblable, sinon pour anéantir le premier... Tu me hais, tu veux me tuer. Voilà pourquoi tu exiges de moi l'inimaginable. Je t'ai fait justice. Quoi ? Une telle pensée ne t'exalte pas. Elle ne te grise pas. Moi que tu aimes, moi qui voulais t'élever au-dessus de toi-même pour pouvoir t'aimer en retour, je la donne à ton esprit. Et elle n'est pour toi qu'un fardeau qui t'enfonce plus profondément dans la poussière. Si tu l'avais accueillie avec des cris de joie, si tu avais bondi sur une épée, sans même prendre le temps d'un adieu rapide, alors, oh, je le sens, je me serais jetée en pleurant sur ton chemin. Je t'aurais dépeint le danger avec l'angoisse d'un cœur qui frémit pour ce qu'il a de plus cher. Je t'aurais retenue ou je t'aurais suivie. Maintenant, oh, je suis plus que justifiée. Ton amour est le châtiment de ton caractère misérable. Il est pour toi une malédiction qu'il te consume. Je m'en voudrais de surprendre en moi le moindre mouvement de pitié. Je te saisis tout entier. Je saisis même que pour toi le sublime se confond avec le vulgaire, que tu ne peux que sourire lorsque je prie. Méprise-moi. Mais montre-moi d'abord celui qui rend possible l'impossible. Je te le montrerai. Il viendra. Il faut bien qu'il vienne. Et si ta lâcheté est celle de ton sexe tout entier, si tous les hommes ne voient dans le danger que le conseil de s'y soustraire, alors une femme aura conquis le droit à une grande action. Alors, oh, je l'ai exigé de toi. Il me faut prouver qu'elle est possible. Judith, en mauvais vêtements, couverte de cendres, est accroupie dans sa chambre. Voilà comme elle est restée depuis 3 jours et 3 nuits déjà. Elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle ne parle pas. Elle n'a jamais un soupir, ni une plainte. La maison brûle, lui criai-je hier soir, feignant d'avoir perdu la tête. Elle ne changea point de visage et resta immobile. Elle veut, j'imagine, qu'on l'enferme dans une bière, qu'on cloue sur elle le couvercle et qu'on l'emporte. Elle entend tout ce que je dis là, et pourtant n'y répond rien. Judith, dois-je commander le fossoyeur ? Je pars, mais pour aussitôt revenir. Pour toi, j'oublie l'ennemi, toute misère. Si quelque archer me visait, je ne le remarquerais pas, aussi longtemps que je te verrais là, morte vivante. Tu avais d'abord tant de courage que tu faisais honte aux hommes. Et maintenant, Éphraïm avait raison, il disait « Elle se donne un défi à elle-même afin d'oublier sa crainte. » Dieu. Dieu. Il me semble que je dois m'accrocher à toi comme à qui menace de m'abandonner pour toujours. Je ne voulais pas prier. Mais il faut que je prie. Comme il me faut prendre haleine pour ne pas étouffer. Dieu. Dieu, pourquoi ne t'inclines-tu pas vers moi? Ne suis-je pas trop faible pour me hausser jusqu'à toi? Regarde. Me voici. Comme en dehors du monde et en dehors du temps. J'attends avec angoisse un signe de toi qui m'ordonne de me lever et d'agir. C'est avec allégresse que je vis le danger s'approcher. Pour moi, c'était là le signe que tu voulais manifester ta gloire à tes élus. Frissonnante et ravie, je connus que ce qui me soulevait renversait tous les autres à terre. Comme si ton doigt clément me désignait. Comme si ton triomphe dut sortir de moi. C'est avec délice que j'ai vu lâche, tremblant, se cacher comme un ver dans la boue misérable, celui à qui je voulais confier la grande œuvre, afin d'offrir en toute humilité le plus haut sacrifice. C'est toi, m'écriai-je, me prosternant devant toi, et me jurant dans un cher serment de ne plus me relever que tu ne m'aies montré le chemin qui mène au cœur d'Holoferne. J'épiais en moi-même, croyant qu'un éclair d'extermination devrait jaillir de mon âme. Je tendais l'oreille au monde, car je pensais, un héros t'a rendu superflu, peut-être. Mais en moi et hors de moi, tout demeure obscur. Seule une pensée m'est venue, rien qu'une. Avec quoi je joue, et qui sans cesse reparaît. Mais celle-là n'est pas venue de toi. Ou bien venait-elle de toi? Elle venait de toi. Le chemin qui mène à mon acte passe par le péché. Merci. Merci, Seigneur. Grâce à toi, mon œil voit clair. Par toi, l'impur devient pur. Si tu poses un péché entre moi et mon acte, que suis-je pour disputer, pour me soustraire à toi? Mon action ne vaut-elle pas autant qu'elle me coûte? Dois-je aimer plus que toi mon honneur, mon corps immaculé? En mon cœur, il me semble qu'un nœud se dénoue. Tu m'as faite belle. À présent, je sais à quelle fin. Tu ne m'as pas accordé d'enfant. Je sens maintenant pourquoi et je me réjouis de n'avoir pas à m'aimer en deux êtres. C'est pourquoi je me crus maudite m'apparaît aujourd'hui comme une bénédiction. Mon image, salut. Ayez honte, mes joues, de ne pas vous empourprer encore. Le chemin est-il si long entre vous et mon cœur? Mes yeux, je vous loue. Vous avez bu du feu. Vous êtes ivre. Pauvre bouche, je te pardonne d'être blême, toi qui dois baiser l'épouvante. Holoferne, tout ceci t'appartient. Je n'y ai plus de part. Je me suis réfugié au plus profond de moi-même. Prends. Mais dès que tu posséderas, tremble. Je vais à l'heure où tu n'y songes pas sortir de moi-même, comme une épée de son fourreau, et me payer avec ta vie. S'il faut t'embrasser, j'imaginerai que mes lèvres t'empoisonnent. Si je t'enlace, je veux me figurer que je t'étouffe. Dieu, fais-lui commettre des atrocités sous mes yeux, de sanglantes atrocités. Mais protège-moi. Fais que je ne vois de lui rien de bon. M'appelles-tu Judith? Non, oui. Mirza, il faut me parer. Ne veux-tu pas manger? Non, je veux être parée. Mange, Judith. Je ne peux supporter la faim davantage. Toi? Puisque tu ne voulais plus manger ni boire, j'ai juré. Eh bien, moi non plus. Pour te contraindre, qu'à défaut de pitié pour toi-même, tu eusses pitié de moi. Je te l'ai dit, mais sans doute n'as-tu pas entendu. Il y a maintenant 3 jours. Je voudrais mériter tant d'amour. Mangeons et buvons, tandis que nous le pouvons encore. Les conduites de la fontaine sont coupées. Personne ne peut approcher des petites fontaines de l'enceinte, car elles sont gardées par les soldats. Cependant, quelques-uns sont sortis, préférant se faire tuer qu'endurer leur soif plus longtemps. On dit que, déjà transpercé, l'un d'eux se traîne à mourant jusqu'à la fontaine pour se désaltérer une fois encore. Mais avant qu'à ses lèvres sa main n'eût porté l'eau qu'elle tenait déjà, il rendit l'âme. Personne ne s'attendait à cette cruauté de l'ennemi. Voilà pourquoi la disette d'eau fut vite si générale. Aussi, qui en possède encore un peu, la conserve-t-il en secret comme un trésor ? Oh, horreur ! Au lieu de la vie qu'on ne peut atteindre, d'atteindre les sources de la vie. Mettez à mort, à feu, à sang, mais ne ravissez pas à l'homme sa misérable ration au milieu de l'abondance de la nature. Je n'ai que trop tardé. Éphraïm m'a apporté de l'eau pour toi. Tu reconnaîtras ici la grandeur de son amour. Il en a refusé à son propre frère. Fille, cet homme est de ceux qui pêchent même alors qu'ils entreprennent le bien. Cela me déplut aussi. Mais tu es vraiment trop dur pour lui. Non, te dis-je, non. Toute femme a le droit d'exiger de tout homme qu'il soit un héros. En voyant un homme, ne penses-tu pas voir ce que tu voudrais, ce que tu devrais être ? Un homme peut excuser d'un autre la lâcheté, jamais une femme. Pardonnes-tu à l'appui s'il se brise ? À peine peux-tu lui pardonner de t'être nécessaire. Espérais-tu donc voir Éphraïm obéir à ton commandement ? J'étais en droit de l'espérer de qui voulait se tuer, de qui avait fait l'abandon de sa vie. Je l'ai frappé comme on frappe un silex, dont on ne sait si l'on va le garder ou le rejeter. S'il avait donné une étincelle, l'étincelle eût jailli jusque dans mon cœur. À présent, je foule aux pieds ce caillou vil. Comment s'y fut-il pris ? L'archer qui demande comment il faut tirer manquera le but. Le but, l'œil, la main, tout est là. Ah, je l'ai vu planer sur le monde comme une colombe qui cherchait un nid pour sa couvée. Et c'est la première âme dressée brûlante au milieu de la torpeur que devait toucher la pensée rédemptrice. Allons, Mirza, va manger. Ensuite, viens me parer. Tant que tu attendras, j'attendrai. Comme tu me regardes tristement. Eh bien, je t'accompagne. Mais ensuite, fais appel à toute ton ingéniosité. Et pars-moi comme pour les noces. Ne souris point. Ma beauté est à présent mon devoir. Une place publique à Béthulie. Que dis-tu, Amon ? Je te demande, Osée, ce qui vaut le mieux. La mort par l'épée qui vient trop vite pour laisser le temps de la craindre et de la sentir ? Ou bien ce lent dessèchement qui nous attend ? Pour te répondre, il faudrait que ma gorge d'abord fût moins sèche. À parler, la soif augmente. Tu as raison. On en arrive à s'envier soi-même pour les 2 gouttes de sang qui filtrent encore dans les veines. Je voudrais me mettre en perce comme un tonneau. La soif fait oublier la faim, voilà le meilleur. Nous avons encore à manger. Combien cela durera-t-il ? Surtout si nous souffrons parmi nous des gens comme toi, qui savent porter plus de victuailles en leurs panses que sur leurs épaules. Je mange mon bien, ça ne regarde personne. En temps de guerre, tout est commun. On devrait te placer, toi et tes pareils, où tombent plus de flèches. D'ailleurs, on devrait toujours pousser les gloutons au premier rang. Quoi ? S'ils sont vainqueurs, on n'a pas à leur rendre grâce, mais aux bœufs. Et aux veaux gras, dont la moelle gargouille en eux. Et s'ils périssent, c'est aussi bien un avantage. Ne crois pas que je vais rendre ce que j'ai reçu. Mais rappelle-toi ceci, si tu cours un danger, n'attends pas que je m'élance à ton secours. Je m'en remets à Holoferne du soin de me venger. Ingrat ! Rosser quelqu'un, c'est lui forger un cuirasse, sa propre peau. Le soufflet d'aujourd'hui te rend insensible à celui qui t'attend demain. Vous êtes des fous. Vous vous querellez, vous oubliez que vous êtes bientôt de garde à l'enceinte. Non, nous sommes des gens malins. Tant que nous nous disputons, nous ne pensons pas à notre misère. Venez, venez, il faut partir. Je ne sais s'il ne vaudrait pas mieux ouvrir à Holoferne. Sûrement, il ne tuerait pas celui qui ouvrirait. Alors moi, je le tuerai. Tu as entendu parler d'une nouvelle monstruosité d'Holoferne ? En effet. Mais comment l'as-tu apprise? Mais raconte-moi donc! Il était en train de parler avec un de ses capitaines d'une foule de choses secrètes. Soudain, non loin de lui, il aperçoit un soldat. As-tu entendu ce que j'ai dit? Lui demande-t-il. Non, répond l'homme. C'est heureux pour toi, dit le tyran. Autrement, je t'aurais fait trancher la tête pour ce qu'elle porte des oreilles. On penserait s'évanouir à un tel récit. Tiens, le plus laid de la peur, c'est qu'elle ne tue qu'à moitié. Pas tout à fait. Je ne puis comprendre la longanimité de Dieu. Sinon, pour un tel païen, pour qui sera sa haine? Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car sa bonté est éternelle. Éternelle. Samuel a soif. Enfin, pourquoi ne vas-tu pas lui chercher une fraîche boisson? Grand-père, l'ennemi est devant la ville. Il l'a encore oublié. Le psaume, plus haut. Pourquoi cesses-tu? Sois le témoignage du Seigneur, ô jeune homme, car tu ne sais si tu deviendras un vieillard. Glorifie-le, ô vieillard, car tu n'as pas vieilli afin de taire ce qu'il a fait pour toi en sa miséricorde. La fontaine ne contient-elle pas autant d'eau qu'il en faut à Samuel pour boire une dernière fois? L'enfant ne peut-il y puiser malgré la chaleur de midi? Des épées gardent la fontaine, des lances la hérissent. Les païens ont toute puissance sur Israël. Pas sur Israël! Qui le Seigneur cherchait-il lorsqu'il donna pouvoir aux vagues et aux vents contre les skiffes soulevés en tous sens? Non, pas le pilote, non, pas un autre, mais seul l'orgueilleux Jonas qui dormait paisiblement. De la barque sûre, il le précipita dans la tempête. De la tempête dans la gueule du Léviathan et de la gueule du monstre à travers le récif des dents au fond des sombres entrailles. Mais quand alors Jonas se repentit, le Seigneur ne fut-il pas assez fort pour le sauver même des entrailles du Léviathan? Levez-vous, malfaiteur caché, qui vous endormez en vous-même, comme faisait Jonas. N'attendez pas que le sort vous désigne, avancez et dites, c'est nous, afin que l'innocent ne soit pas anéanti avec le coupable. Samuel a frappé à Aaron. Le clou était aigu, tendre le cerveau. Profond le sommeil d'Aaron sur le sein de sa femme. Samuel a pris la femme d'Aaron et a engendré Ham avec elle. Mais elle mourut de frayeur en apercevant l'enfant dont la tête portait la marque du clou, comme la tête du mort. Et Samuel rentra en lui, tournant son visage vers soi-même. Grand-père, grand-père, tu es toi-même Samuel. Et je suis le fils de Ham. Samuel s'est rasé la tête et s'est placé devant sa porte, attendant la vengeance, comme on attend le bonheur, 70 ans et plus, jusqu'à ne plus savoir compter les jours de sa vie. Mais la peste a passé, et son souffle ne l'a pas atteint. Et la misère a passé, elle n'est pas entrée chez lui. Et la mort a passé, elle ne l'a pas touché. La vengeance n'est pas venue d'elle-même, et il n'a pas eu le courage de l'appeler. Viens, viens. Fils d'Aaron, ou bien le fils de son fils, ou bien son frère, où êtes-vous? Que Samuel ne sent point votre main le frapper, ni votre pied le fouler. Œil pour œil, a dit le Seigneur, dent pour dent, 100%. Le fils d'Aaron est mort, et le fils de son fils. Et son frère, toute la race. N'est-il pas resté de vengeur? Les derniers temps sont-ils venus que le Seigneur laisse grandir l'ivré et brise les faucilles? Malheur. Mais c'est comme je te le dis, l'eau ne manque pas partout. Il y a parmi nous des gens qui non seulement boivent à se gorger, mais en outre se lavent plusieurs fois par jour. Je te crois. Je vais te dire un secret. Oui. Mon voisin Assaf avait une chèvre qui paissait gaiement dans son petit jardin. Je peux plonger dans son jardin et j'avais des envies de femme enceinte chaque fois que j'apercevais la bête et ses mamelles pleines. Hier, je fus chez Assaf lui demander un peu de lait. Comme il me refusait, je saisis mon arc, tuai vivement la chèvre et lui en fis parvenir le prix. J'eus raison, car sa chèvre l'induisait à la dureté envers son prochain. Ah, de toi, le coup n'a rien d'étonnant. Tout petit enfant, n'as-tu pas déjà rendu mère une vierge ? Quoi ? Ben oui, n'es-tu pas son premier-né ? Écoutez, écoutez, homme de Béthulie ! Écoutez, écoutez ce que vous fait savoir par ma bouche le vénérable grand prêtre, Joachim. Prenez garde, le grand prêtre veut que nous soyons des lions, ce qui nous permettra d'autant mieux d'être un lièvre. Ne blasphème pas. Je n'admets pour consolation que celle que je pourrais puiser à la fontaine. Vous devez songer à Moïse, serviteur de l'Éternel, qui frappa Amalek par la prière, non par l'épée. Vous ne devez pas trembler devant le bouclier ni la lance, car une parole des prophètes suffit à les confondre. Où est Moïse ? Où sont les prophètes ? Vous devez prendre courage et songer que le sanctuaire du Seigneur est en danger. Je croyais que le Seigneur voulait nous protéger. Et maintenant, voilà que c'est à nous de lui porter aide. Et avant tout, n'oubliez pas que le Seigneur, s'il vous fait périr, peut vous dédommager de la mort et des tortures en vos enfants et vos petits-enfants jusqu'à la 10e génération. Qui me dit comment tourneront mes enfants et mes petits-enfants ? Ne peuvent-ils être des carlements dont je devrais rougir et qui me nargueront ? Homme, ta lèvre tremble, ton œil est égaré. Tes dents voudraient bien déchirer les mots sonores derrière quoi ta frayeur se cache. Comment peux-tu exiger de nous un courage que tu ne possèdes pas toi-même ? Je te parle au nom de tout ceci. Donne l'ordre d'ouvrir les portes de la ville. La soumission appelle la clémence. Je ne le dis pas à cause de moi, je le dis à cause de ce pauvre muet, à cause des femmes et des enfants. Donne l'ordre à l'instant, ou bien nous nous passerons de ton ordre. Lapidez-le ! Lapidez-le ! Cet homme n'était-il pas muet ? Mais oui, il était muet ! Muet et aveugle, c'est mon frère. Il a 30 ans. Il n'a jamais prononcé une parole. Oui, voici mon frère. Il a pourvu à ma faim et à ma soif. Il m'a vêtu et accueilli dans sa maison. Il m'a soigné le jour et la nuit. Donne-moi la main, frère dévoué. Lapidez-le ! Lapidez-le ! Hélas ! Hélas ! L'Esprit du Seigneur parle par la bouche du muet. Lapidez-moi ! Je viens, dit le Seigneur, mais vous ne devez pas demander d'où je viens. Pensez-vous qu'il soit temps ? Moi seul, je sais lorsqu'il est temps. Je vous ai fait croître et prospérer comme le froment d'été. Pensez-vous que j'abandonne ma récolte aux païens ? En vérité, je vous le dis, cela n'adviendra jamais. Joie, salut, joie. Et si grand que soit votre ennemi, je n'ai besoin que d'un faible instrument pour l'anéantir. Purifiez-vous, purifiez-vous, car j'habiterai avec vous et ne vous quitterai point si vous ne me quittez. Frère, ta main. Ton frère est mort, tu l'as tué. Voilà ta reconnaissance de ton amour. Oh, comme je l'eusse volontiers sauvé. N'étions-nous pas amis depuis l'enfance ? Mais que pouvais-je tenter contre tous ceux que ta folie avait gagnés ? Prends soin de Daniel ! Me cria-t-il, lorsque son œil défaillant me reconnut. Reçois cette parole en ton âme, comme un legs brûlant. Daniel veut parler et n'y parvient pas. Il gémit. Samaya s'adresse à la foule. Ayez honte d'être à genoux ! Ayez honte, surtout, d'avoir assassiné un homme généreux qui voulait le bien de tous. Ah, vous l'avez poursuivi avec autant de rage que si vous eussiez pu lapider avec lui vos propres péchés. Tout ce qu'il proposa ici contre l'ancien, non par lâcheté, mais par pitié pour vos misères, avait été convenu entre nous ce matin. Cet infirme était là, accroupi, indifférent, comme toujours. Aucun signe n'a trahi sa révolte. Tout ce qu'exigeait mon ami, Je l'exige encore. Ouvrir promptement les portes. Nous rendre à merci. Prouve à présent que le Seigneur a parlé par ta bouche. Maudis-moi, comme tu as maudit ton frère. Ne voyez-vous, le prophète, un démon les abîme pour vous séduire, a décelé sa bouche, mais Dieu l'a muré de nouveau, muré pour toujours. Pourriez-vous croire que le Seigneur fait parler les muets afin de les rendre fratricides? Vous ne vous laissez point tenter. Ne fûtes-vous pas étonné comme par l'approche de Dieu et frappé d'une pieuse extase? Souffrirez-vous à présent que soit calomnié votre sentiment le plus profond? Femme, que prétends-tu? Ne vois-tu pas que celui-ci se désespère? Ne sens-tu pas qu'il doit se désespérer s'il a quelque chose d'humain? Arrache-toi les cheveux, brise-toi la tête contre les murs, et que les chiens lèchent ta cervelle. C'est tout ce qu'il te reste à faire au monde. Agir contre la nature, c'est agir contre Dieu. Penses-tu prescrire au Seigneur la voie qu'il doit tenir? Toute voie n'est-elle pas sanctifiée qu'il a suivie? Agir contre la nature, c'est agir contre Dieu. Le Seigneur fit des miracles pour les ancêtres. Les ancêtres étaient meilleurs que nous. S'il veut faire des miracles à présent, pourquoi ne fait-il pas pleuvoir? Et pourquoi ne fait-il pas un miracle dans le cœur d'Holoferne en le décidant à la retraite? À mort, pécheur qui nous a persuadés de nous souiller du sang d'un juste! Personne! Personne n'a le droit de tuer Caïn! Ainsi parla le Seigneur, mais Caïn a le droit de se tuer. Ainsi me dit une voix. Et Caïn se tuera. Que ceci vous soit un signe de Dieu. Si cet homme vit jusqu'à demain, s'il peut porter son action un jour entier et une nuit entière, alors faites comme il l'a dit et attendez jusqu'à tomber mort ou qu'un miracle vous délivre. Sinon, écoutez Assad, ouvrez les portes et rendez-vous. Et si vous n'osez, sous le poids de vos péchés, espérer que le Seigneur touchera le cœur d'Holoferne, alors tournez vos armes contre vous-même, entretuez-vous et ne laissez la vie qu'aux enfants. Les Assyriens les épargneront, car ils ont eux-mêmes des enfants ou souhaitent d'en avoir. Que ce soit un grand massacre, où le fils poignarde le père, et où l'amitié sera dégorgée son ami avant qu'il l'implore. Je prends le muet dans ma maison. En vérité, la ville que son frère voulait sauver, sa folie ne doit point la perdre. Je vais l'enfermer dans une chambre. Je vais glisser dans sa main une lame nue. Je vais parler à son âme jusqu'à lui faire accomplir ce que j'ai annoncé au nom de la nature et comme son prophète. Dieu soit loué. Il n'est qu'aveugle et muet. Il n'est point sourd. Viens ! Pourquoi nos yeux s'ouvrent-ils si tard? Nous n'attendrons pas davantage. Pas une heure. Allons ouvrir les portes. Venez. À qui la faute? Si nous ne sommes pas allés nous humilier comme les autres peuples, qui nous conseilla pour notre perte de relever des fronts déjà courbés? Qui nous commanda d'oublier la terre en regardant les nuages? Qui, sinon les prêtres et les anciens? Oui. Oh Dieu, voilà que ces malheureux s'en prennent à ceux qui les tirèrent du néant. Ne voyez-vous dans le malheur qui vous atteint qu'une invitation à le mériter par votre bassesse? Quand j'entendis parler de la marche d'Holoferne, ma première pensée fut que nous devions aller au-devant de lui pour implorer sa miséricorde. Qui d'entre vous pensait autrement? Pourquoi vint Holoferne? Pour nous soumettre uniquement. S'il eût rencontré la soumission à mi-chemin, il n'eût pas poursuivi et s'enfuit retourné, car il lui reste assez à faire. Alors nous vivrions en paix, buvant et mangeant à notre aise. Tandis que notre lamentable vie n'est qu'un prélude à toutes les possibles tortures. Et nous sommes innocents! Jamais nous ne fûmes orgueilleux, nous avons toujours tremblé. Mais Holoferne était encore loin, et les anciens et les prêtres, tout proches, nous menaçaient, une peur nous fit oublier l'autre. Savez-vous, nous allons chasser les prêtres et les anciens hors de la ville et dire à Holoferne, voilà les rebelles. S'il en a pitié, c'est bien. Sinon, il vaut mieux avoir à les plaindre que nous-mêmes. Cela nous sauvera-t-il? C'est comme si, n'osant se servir d'une épée pour se défendre, l'on en voulait égorger l'armurier qui vous l'a donné. Sera-ce le salut? Pourquoi pas? Abattez la tête, non le pied ou la main. Tu as raison, c'est le moyen. Qu'as-tu à dire? Je vous donnerai moi-même ce conseil s'il devait vous sauver. J'ai atteint aujourd'hui 73 ans et j'irai volontiers rejoindre les ancêtres, qu'importe quelques souffles de plus ou de moins. À vrai dire, je crois avoir mérité une sépulture honorable et j'aimerais reposer dans la terre plutôt que dans les entrailles d'un fauve. Mais si vous estimez que je puisse encore vous servir, je suis prêt. Je vous fais don de cette tête grise, mais faites vite, de peur que la mort ne vous devance et ne jette en se moquant ce présent dans la tombe. Une dernière fois, laissez-moi me servir de cette tête qui vous appartient. C'est pas moi seul qu'il s'agit, mais de tous les anciens et de tous les prêtres. Avant le sacrifice, ne prendrez-vous point la peine de compter les victimes? Vous écoutez ce vieillard sans vous frapper la poitrine? Sans vous jeter à ses pieds pour les baiser? Je voudrais prendre le ferne par la main, le faire entrer et affiler moi-même son glaive s'il s'émoussait avant d'avoir fauché toute cette tête. L'ancien a parlé habilement, très habilement. Il ne pouvait pas résister, il s'en est aperçu. Alors il s'est offert d'une certaine façon. Je gage que pas un agneau ne serait égorgé si les agneaux pouvaient prendre la parole. Et assurément, Judith, il n'a pas ému que toi. Il ne pouvait résister, mais il pouvait cependant confondre votre méchant dessein. Il pouvait se tuer. Et il crispait la main sur son épée, je l'ai bien remarqué. Et me suis approché pour l'arrêter. Mais bientôt, le reflet d'une victoire intérieure éclata sur son visage. Il retira sa main, comme s'il avait honte, et leva les yeux au ciel. Tu me prêtes trop de noblesse. Ce n'était pas contre moi, mais contre cet homme-là. Ton conseil ne vaut rien, Josué. Nous ne te suivrons pas. Soyez loués. Mais qu'il faille ouvrir les portes. Vous en restez convaincus, pourtant. Songez-y. L'ennemi à qui vous ouvrirez ne pourra se montrer aussi cruel que l'ennemi forcé d'ouvrir lui-même. Donne l'ordre. Demain, si je vis encore, je te demanderai pardon pour ce que j'ai proposé. Dis non. Je dis oui, car je ne vois pas moi-même d'où nous viendrait le salut. Ouvrez. Ouvrez, mais n'attendez nulle clémence de Holoferne. Le peuple qui se soumettrait le dernier, il a juré de l'anéantir. D'effacer de la terre jusqu'à ses traces. Vous êtes les derniers. Il a juré cela? J'y étais. Et jugez s'il tiendra son serment. Il s'est emporté contre moi, lorsque j'ai parlé de la puissance de votre Dieu. Et sa colère, c'est la mort. Mais au lieu de me frapper, il ordonna, vous le savez, que je fusse conduit à vous. Or, voyez, il doute si peu de votre perte que malgré sa haine, il se dessaisit de l'homme dont il paiera la tête au poids de l'or, décidé à ne se venger de lui qu'en se vengeant de vous. Toute pensée de miséricorde est si loin de lui qu'il ne saurait inventer pour son ennemi de peine plus dure que celle qui vous est réservée. Il ne faut pas ouvrir. Nos propres épées sont là. Si nous devons périr par l'épée. Fixons-nous un délai. Tout doit avoir une fin. Un délai. Chers frères, ayez donc patience 5 jours encore et espérez le secours du Seigneur. Et s'il faut au Seigneur plus de 5 jours? Alors nous périrons. Si le Seigneur doit nous secourir, que ce soit avant le 5e jour. D'ailleurs, nous ne vivrons pas tous jusque-là. Donc dans 5 jours, il faut qu'il meure. Nous devons faire l'impossible pour tenir encore si longtemps. Nous devons nous partager les offrandes du Seigneur, le vin et l'huile sacrée. Malheur à moi qui dois donner un tel conseil. Oui, malheur à toi. Pourquoi ne conseilles-tu pas plutôt une autre extrémité? Homme de Béthulie, tentez une sortie. Les petites fontaines sont tout près de l'enceinte. Divisez-vous en 2 groupes, que l'un couvre la retraite et défende la porte, tandis que l'autre attaque en masse. Vous ne pouvez manquer de rapporter de l'eau. Tu le vois, personne ne répond. Comment dois-je l'entendre? Pourtant, je m'en réjouis. Si avec 200 hommes, vous n'avez pas le courage nécessaire à cette entreprise, vous ne serez pas assez téméraire pour provoquer la colère du Seigneur en étendant une main sacrilège sur les mets de l'autel. Ils nous sont nécessaires et nous les rendrons au centuple. L'autre partie est trop hasardeux. Une porte ouverte serait pour la ville une blessure mortelle. David aussi mangea les pains consacrés et n'en mourut pas. David était un élu du Seigneur. Voulez-vous manger comme David? Devenez auparavant semblable à David. Mangez et buvez, mais sanctifiez-vous d'abord. Pourquoi écoutons-nous celle-là? Honte à qui ne le ferait pas! N'est-ce pas un homme? C'est la femme la plus pieuse de la ville! Tant que dura pour nous la fortune, elle est restée bien tranquille dans sa petite chambre. Quelqu'un l'a-t-il vue en public, sauf pour la prière et le sacrifice? Mais à présent que nous allions désespérer, elle quitte sa maison et se promène parmi nous et nous console! Elle est riche et possède des biens nombreux. Mais savez-vous ce qu'elle a dit une fois? Je ne fais que gérer ces biens. Ils appartiennent aux pauvres. Et non seulement elle le dit, mais elle le fait. Si elle ne prend pas un nouvel époux, ce n'est, j'imagine, que pour ne point cesser d'être la mère des indigents. Si Dieu nous aide, ce sera pour elle. Achior, tu connais Holoferne, parle-moi de lui. Je sais qu'il est altéré de mon sang, mais ne crois pas que je l'outrage. S'il se tenait devant moi l'épée haute et criait « Tue-moi, sinon je te tue », je ne sais ce que je ferais. C'est là ce que tu sens. Il t'avait en son pouvoir et te laissa libre. Oh, ce n'est pas cela. J'en serais plutôt révolté. Le sang me monte aux joues quand je songe comme il doit mépriser un homme qu'il renvoya les armes à la main chez son ennemi. C'est un tyran. Oui, mais il fut enfanté pour le devenir. Auprès de lui, on tient le monde et soi-même pour rien. Un jour, je chevauchais avec lui dans une montagne sauvage. Nous arrivons à un large gouffre, profond, à donner le vertige. Il éprend son cheval. J'empoigne ses rênes, lui montrant l'abîme. Il est sans fond, dis-je. Aussi n'y veux-je pas descendre, je veux le franchir, hurle-t-il, et il tente l'épouvantable saut. Avant que j'aie pu le suivre, il a déjà fait demi-tour et s'est retrouvé près de moi. Je pensais voir une source là-bas, dit-il, et voulait boire, mais ce n'est rien. Que le sommeil emporte notre soif. Et il me jette les rênes, et saute de cheval, et s'endort. Je n'y peux tenir. Je mis pied à terre, touchais de mes lèvres son vêtement et me plaçais devant le soleil afin qu'il eût de l'ombre. Fille de moi, je suis tellement son esclave que je ne puis sans le louer parler de lui. Il aime les femmes? Oui, de même que manger et boire. Maudit soit-il. Que veux-tu? J'ai connu une femme de mon pays qui devint folle parce qu'il l'avait méprisée. Elle se glissa dans sa chambre et comme il venait de se mettre au lit, elle se présenta soudain, le menaçant d'un poignard levé. Que fit-il? Il rit. Et rit jusqu'à ce qu'elle se fût elle-même poignardée. Merci, Holoferne. Je n'aurais qu'à penser à cette femme, et j'aurais du courage comme un homme. Qu'as-tu? Oh, dressez-vous de vos tombes, vous qu'il fit assassiner, que je regarde en vos blessures. Avancez, vous qu'il outragea, et rouvrez une fois encore vos yeux à jamais clos, que j'y puisse lire de combien il est votre débiteur. Vous serez tous payés. Mais pourquoi pensez-je à vous? Et non aux adolescents que son épée peut encore dévorer, aux vierges qu'il peut encore froisser entre ses bras. Je vengerai les morts et préserverai les vivants. Achior, ne suis-je point assez belle pour une victime? Personne ne vit ton égal. J'ai affaire auprès de l'Holoferne. Voulez-vous me faire ouvrir la porte? Quel est ton dessein? Personne ne doit le savoir que le Seigneur notre Dieu. Alors qu'il soit avec toi. La porte est ouverte pour toi. Judith! Judith, jamais tu ne réussiras. Mirza, as-tu le cœur de m'accompagner? J'aurais encore moins le cœur à te laisser partir seule. Et tu as agi selon mes ordres? Le vin et le pain sont là. Bien peu. Encore trop. Si j'avais pu prévoir, je l'aurais écouté. Me voici cruellement puni. Priez pour moi. Comme pour une mourante. Enseignez mon nom aux petits-enfants et qu'ils prient pour moi. Je ne prierai pas Dieu de la protéger. Je veux la protéger moi-même. Elle va dans l'antre du lion. Je crois qu'en agissant ainsi, elle s'attend à voir tous les hommes la suivre. Je la suivrai. Si je meurs, je ne ferai que mourir un peu avant tous les autres. Peut-être va-t-elle revenir. Malheur! Malheur! Qu'as-tu? Le muet, l'effroyable muet. Il a étranglé mon mari. C'est la femme de Samaya! Mais comment? Comment est-ce arrivé? Samaya vint à la maison avec le muet. Il alla s'enfermer avec lui dans la dernière chambre. J'entendais Samaya parler haut, et le muet gémir et sangloter. Qu'y a-t-il, pensais-je? Je me glisse à la porte de la chambre, et je regarde à travers une fente. Le muet est assis, un couteau aigu à la main. Samaya se tient près de lui et lui fait des reproches. Le muet tourne le couteau contre sa poitrine. Je pousse un cri, épouvanté en voyant que Samaya ne cherche pas à l'arrêter dans sa démence. Mais tout d'un coup, le muet jette son couteau et tombe sur Samaya. Il le renverse à terre, et comme animé d'une force surhumaine, l'empoigne la gorge. Ah, Samaya ne peut se dégager. Il lutte avec lui. J'appelle au secours. Des voisins arrivent, la porte verrouillée au-dedans, il l'enfonce. Trop tard. Le muet a déjà étranglé Samaya. Il fait rage comme une bête sur le cadavre et rit au bruit de notre entrée. Reconnaissant ma voix, il se traîne jusqu'à moi sur les genoux. « Assassin ! » criai-je. Alors, il montre du doigt le ciel. Puis il cherche à terre le couteau. Le ramasse, me le tend. Et désigne sa poitrine comme souhaitant que je le frappe. Daniel est un prophète. Le Seigneur a fait parler le muet. Il a fait un miracle, afin que vous puissiez croire à ses prochains miracles. Samaya et sa prophétie ont été confondues. Il fut sacrilège envers Daniel. C'est de la main de Daniel qu'il a reçu son châtiment. Courons à Daniel, qu'il ne lui arrive aucun mal. Le Seigneur l'a envoyé. Le Seigneur le protégera. Allez et priez. Voilà pour moi toute leur consolation. Celui que j'aimais était un pécheur. La tente d'Holoferne. Le général a l'air d'un feu qui va s'éteindre. Il faut se défier d'un semblable feu. Il engloutit tout ce qu'il approche pour s'en nourrir. Sais-tu que la nuit dernière, Holoferne fut près de se tuer ? Pas vrai. Si. Un cauchemar le tourmenta et il crut dans son sommeil que quelqu'un se jetait sur lui pour l'étouffer. Empêtré dans son rêve, il prend son poignard, pense percer l'ennemi par derrière et pousse l'arme dans son propre sein. Heureusement, le fer glisse contre les côtes. Il s'éveille, s'en aperçoit et s'écrie en riant lorsque son valet veut bander sa blessure. « Laisse couler, ça me rafraîchit, j'ai trop de sang. » Voilà qui paraît fabuleux. Demande au valet. Demandez à moi-même. Je vous interpelle parce que je vous aime. Il ne me plaît pas que deux héros que je puis employer mettent leur vie en danger par ennui à cause d'un tas d'appréciations et de comparaisons indignes. Ils s'étonnent que j'ai entendu leurs propos. C'est assez de honte pour moi d'avoir perdu mon temps et mon attention à le faire. Une tête qui ne sait pas s'emplir elle-même de pensées, qui garde la place pour les chimères et les lubies d'autrui, n'est pas digne qu'on la nourrisse. Les oreilles sont des quêteuses d'aumône pour l'esprit. Il n'y a que les mendiants et les esclaves qui en aient besoin. C'est devenir l'un ou l'autre que d'en faire usage. Je ne suis pas irrité contre vous. Mais dites-moi donc ce que vous eussiez fait si vous m'aviez réellement trouvé mort ce matin dans mon lit. Seigneur, qu'aurait-il fallu faire? Si je le savais, je ne le dirais pas. Non, celui qui peut se supprimer du monde par la pensée et nommer son remplaçant, celui-là n'en fait plus partie. Mais je sais gré à mes côtes d'avoir été le fer, c'eût été une mort bouffonne. Et sûrement cette erreur de ma main eût engraissé quelques maigres dieux, par exemple celui des Hébreux. Ah, comme Achior se fut rengorgé sur les prédictions, et comme il se serait lui-même respecté. J'aimerais seulement savoir, qu'est-ce que la mort? Une chose qui nous fait aimer la vie? C'est la meilleure réponse. Mais oui. C'est seulement parce que nous pouvons la perdre à toute heure que nous y tenons ferme et la pressurons et la têtons jusqu'à crever. S'il en allait toujours comme hier et aujourd'hui, c'est dans la mort que nous chercherions la valeur et le but de la vie. Alors nous dormirions dans nos songes, ne tremblant qu'à l'idée du réveil. À présent, nous cherchons, en mangeant, à nous défendre d'être mangés nous-mêmes et combattons avec nos dents contre les dents de l'univers. C'est pourquoi il est si parfaitement beau de mourir par la vie même. De laisser le flot gonfler de telle sorte que l'artère éclate qui le devait contenir. La volupté suprême et l'horreur du néant, les mélanger, les confondre. Comme si je m'étais dit quelques jours à moi-même, il me le semble souvent, « Maintenant, je veux vivre. » Et aussitôt, j'ai été délivré de l'enlacement le plus délicat. Il s'est fait clair autour de moi. J'ai frissonné. Un sursaut, et j'étais en vie. Dès même, j'aimerais me dire un jour, à présent, je veux mourir. Ah, que ne puis-je alors? Et sitôt cette parole dite, défait dans tous les vents, mais perdre, être bu, par toutes les lèvres avides de la création. Et sinon, honte à moi. Je devrais convenir que de mes liens, je me suis fait des racines. Ouf, la chose est possible. Il arrivera bien qu'un homme se tue par l'effort seul de la pensée. Holoferne. Ah, tu veux dire qu'on ne doit pas s'enivrer? C'est vrai. Car celui qui ignore l'ivresse ne connaît pas non plus combien la sobriété est insipide. Et cependant, l'ivresse est la richesse de notre misère. Et quel plaisir, lorsque de moi s'élance comme une marée submergeant tout ce qui est digue ou barrière. Et si ce torrent se pressait, bouillonnait un jour sur tout ce qui est vivant, ne devrait-il pas tout rompre alors, se rassembler, et comme un grand orage de tonnerre et de foudre, triompher des nuées humides, froides, déchirées, que le vent chasse partout à sa fantaisie? Ah, sans doute. Vous étonnez que je fasse de ma tête un fuseau, et que j'y détorde brin à brin les chevaux des songes et des fictions, comme une touffe de lin. Assurément, la pensée est voleuse de vie. La graine que l'on arrache de terre pour l'amener au jour ne poussera pas, je le sais fort bien. Mais aujourd'hui, après une saignée, ça peut aller. Nous avons d'ailleurs du temps, car ceux de Béthulie semblent ignorer que le soldat aiguisera son épée aussi longtemps qu'ils l'empêcheront de s'en servir. Seigneur, une femme juive que nous avons capturée sur la montagne est à la porte. Quelle espèce de femme? Seigneur, chaque instant passé sans la voir est un instant perdu. Si elle était moins belle, je ne te l'aurais pas amenée. Nous étions couchés à la fontaine, attendant celui qui s'y risquerait. Nous la vîmes alors venir, sa servante derrière elle, comme son ombre. Elle était voilée, et d'abord marchait si vite que la servante avait peine à la suivre. Puis elle s'arrêta soudain, comme si elle pensait revenir sur ses pas, se tourna vers la ville et se jeta à terre et sembla prier. Ensuite, elle vint à nous et marcha vers la fontaine. L'un des gardes s'en fut au-devant d'elle. Je croyais déjà qu'il lui voulait du mal, car les soldats sont furieux de leur long désœuvrement. Mais il se baissa, puisa de l'eau et lui tendit la cruche. Elle la prit sans remercier et la porta à sa bouche. Mais, avant d'avoir bu, l'éloigna et la vida lentement. Cela fâcha le garde, qui tira son épée, et la leva sur elle. Alors elle écarta son voile et le regarda. Il s'en fallut de peu qu'il ne se jetât à ses pieds. Mais elle dit, « Conduisez-moi vers Holoferne. Je viens m'humilier devant lui et lui révéler les secrets des miens. » Fais-la entrer. J'ai plaisir à voir toutes les femmes de la terre, excepté une. Et celle-là, je ne l'ai jamais vue et ne la verrai jamais. Qui veux-tu dire? Ma mère. J'aurais aussi peu souhaité la voir que je souhaite voir mon tombeau. Je me réjouis par-dessus tout d'ignorer d'où je suis venu. Des chasseurs m'ont recueilli dans une caverne de lion. J'étais un rude gars. Une lionne m'a allaité. Aussi, rien de surprenant si j'ai étouffé un jour le lion lui-même entre ses bras que voici. Qu'est-ce donc qu'une mère pour son fils? Le miroir de sa faiblesse d'hier ou de demain. Il ne peut la regarder sans songer au temps où il n'était qu'un pitoyable vermisseau qui paye avec de gros baisers les deux gouttes de lait qu'il engloutissait. Et s'il oublie cela, c'est pour voir en elle un spectre qui, comme un battleur, lui joue la vieillesse et la mort, et lui rend répugnant son propre corps, sa chair et son sang. Tu es celui que je cherche. Tu es Holoferne. Tu penses que celui-là doit être le maître sur les vêtements de qui brille le plus d'or? Un seul peut avoir cette apparence. Si j'en trouvais un autre, je ferais tomber sa tête à ses pieds, car je crois seul avoir droit à mon visage. Un peuple qui a de pareilles femmes n'est pas à mépriser. On devrait lui faire la guerre, ne fût-ce que pour les femmes. Voilà pour le faire n'impostant. Peut-être va-t-elle étouffer toute sa colère avec des baisers. Aussi longtemps qu'on la contemple, n'est-ce pas comme un bain délicieux? On devient ce que l'on regarde. Le monde si riche, si vaste, n'est pas entré tout entier dans ce peu de peau tendue où nous tenons. Nous avons reçu des yeux afin de pouvoir absorber le monde morceau par morceau. Seuls les aveugles sont misérables. J'en fais serment, je ne ferai plus jamais crever les yeux à personne. Tu es encore à genoux? Lève-toi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Judith. Ne t'effraie pas, Judith. Tu me plais comme aucune autre ne m'a plu jusqu'ici. C'est là le but de tous mes vœux. Maintenant, raconte. Pourquoi as-tu quitté ceux de la ville pour venir à moi? Parce que je sais que personne ne peut t'échapper. Parce que notre propre Dieu veut les livrer entre tes mains. Parce que tu es femme. Parce que tu comptes sur toi-même. Parce que tu sais qu'Holoferne a des yeux, n'est-ce pas? Écoute-moi avec indulgence. Notre Dieu est irrité contre nous. Il a depuis longtemps fait annoncer par ses prophètes qu'il châtierait le peuple à cause de ses péchés. Qu'est-ce que le péché? Un enfant me l'a demandé une fois. J'ai embrassé cet enfant. Ce qu'il faut te répondre à toi, je n'en sais rien. Continue. Maintenant, les voilà entre la colère de Dieu et ta colère, et ils tremblent. En outre, ils souffrent de la faim et périssent de soif, et leur grande détresse les pousse à de nouveaux sacrilèges. Ils veulent manger les offrandes sacrées, qu'il leur est même interdit de toucher. Elles se changeront en feu dans leurs entrailles. Pourquoi ne se rendent-ils pas? Ils n'en ont pas le courage. Ils savent qu'ils ont mérité la peine la plus dure. Comment penseraient-ils que Dieu la leur veuille épargner? Je veux les prouver. Ils vont plus loin dans leur terreur que tu ne saurais aller dans ton courroux. Ta vengeance me broierait si je te disais comment leur frayeur ose flétrir en toi l'homme et le héros. J'élève mes regards vers toi, j'épie sur ton visage les limites généreuses de ta colère. Je découvre le point au-delà duquel, dans son plus farouche éclat, elle ne saurait jeter de flamme. Il me faut donc rougir en me souvenant de leur insolence. Ils attendent de toi toutes les cruautés qu'une conscience coupable peut imaginer, et dont lâchement elle se torture elle-même. Ils ont l'audace de voir en toi un bourreau, parce qu'ils ont mérité la mort. Sur mes genoux, je te demande pardon pour cette offense de mon peuple aveuglé. Ah, que fais-tu? Je ne veux pas que tu t'agenouilles devant moi. Ils pensent que tu vas les tuer tous. Tu ris au lieu de t'irriter. J'avais oublié qui tu es. Tu connais le cœur des hommes. Rien ne saurait te surprendre. Tu t'amuses comme d'une plaisanterie à voir apparaître ton image altérée et défigurée dans un miroir trouble. Mais je dois le dire cependant, à la gloire des miens, ils n'auraient jamais conçu d'eux-mêmes une telle pensée. Ils voulaient ouvrir la porte. Quand Achior, le chef des Moabites, les effraya. « Qu'allez-vous faire ? » s'écria-t-il. « Ne savez-vous pas qu'Holoferne a juré votre mort à tous ? » Je sais que tu lui as fait don de la vie et de la liberté, ne voulant pas te venger sur un indigne. Tu nous l'as envoyé, et ta magnanimité l'a placé dans les rangs de tes ennemis. En reconnaissance, il peint ton image avec des traits sanglants et détourne de toi tous les cœurs. N'est-ce pas que mon petit peuple est présomptueux lorsqu'il se croit digne de ta colère? Comment pourrais-tu haïr ceux-là que tu ne connaissais pas, que tu n'as rencontrés que par hasard sur ton chemin et qui ne se sont point écartés devant toi pour cette seule raison que la frayeur les raidissait et leur dérobait le sens et la vie? Et si vraiment quelque courage les eût animés, te fusses-tu laissé entraîner à te renier toi-même? Holoferne saurait-il s'attaquer soi-même et persécuter chez les autres ce qui rend sa grandeur unique? Ce serait contre la nature et n'arrivera pas. Oh, je voudrais être toi. Rien qu'un jour. Rien qu'une heure. Je voudrais alors, remettant l'épée au fourreau, célébrer un triomphe comme personne encore n'en a célébré par l'épée. Ils sont des milliers qui tremblent devant toi dans cette ville. Vous m'avez bravé, leur crierai-je. Mais parce que vous m'avez offensé, je vous fais cadeau de la vie. Je veux me venger de vous, mais par vous-même. Je vous fais grâce afin que vous soyez tout à fait mes esclaves. Femme, songes-tu bien aussi que tu me rends la clémence impossible en m'y invitant? Si la pensée en était éclose en moi-même, peut-être l'eussé-je mis à exécution. Elle est tienne maintenant et ne peut plus m'appartenir. J'en suis chagrin. Acquieur avait raison. Oh, pardonne. Permets que je me raille moi-même. Il y a des enfants dans la ville si innocents qu'ils se mettront à sourire en voyant briller le fer qui doit les transpercer. Il y a des vierges dans la ville qui tremblent devant le rayon qui veut traverser leur voile. J'ai songé à la mort qui attend ces enfants, j'ai songé à la honte qui menace ces vierges. Je me suis imaginé les scènes atroces et j'ai cru que personne ne serait assez fort pour ne point défaillir devant de telles images. Oh, pardonne-moi de t'avoir prêté ma propre faiblesse. Tu voulais m'en faire un ornement et cela mérite ma gratitude, bien que la façon ne me convienne pas. Judith, nous n'avons pas à plaider ensemble. Mon destin est de faire des blessures, le tien de les guérir. Si je négligeais mon métier, tu n'aurais plus de passe-temps. Tu ne dois pas non plus regarder de si près avec mes guerriers. Des gens qui ignorent aujourd'hui s'ils seront encore là demain sont bien forcés d'y aller audacieusement, de se charger un peu l'estomac s'ils veulent avoir leur part du monde. Seigneur, tu me dépasses. En sagesse, comme en force et en courage. Je m'étais égaré en mon propre cœur. C'est grâce à toi seul que je me suis retrouvée. Oh, combien j'étais folle. Je sais qu'ils ont tous mérité la mort, qu'elle leur a été prédite depuis longtemps. Je sais que le Seigneur, mon Dieu, t'a investi du rôle de vengeur. Et cependant, emporté par une compassion pitoyable, je me jette entre eux et toi. Dieu soit loué, ta main tenait ferme le glaive et tu ne l'as point laissé tomber pour sécher les pleurs d'une femme. Combien n'eussent-ils pas été fortifiés dans leur insolence? Que leur resterait-il à craindre si Holoferne passait devant eux comme un orage qui n'éclate point? Qui sait s'ils n'auraient point vu de la lâcheté en ta clémence et chansonné ta miséricorde? À présent, elles font pénitence sous le sac et la cendre. Mais pour chaque heure d'abstinence, peut-être se dédommagerait-il par un jour de plaisir effréné. Et tous leurs péchés me seraient comptés. Et il me faudrait m'abîmer de remords et de honte. Non, Seigneur, rappelle-toi ton serment. Anéantis-les. Voilà ce que le Seigneur, mon Dieu, te commande par ma bouche. Il sera ton allié autant que toi leur ennemi. Femme, il me semble que tu joues avec moi. Mais non. Je me fais offense en tenant ceci pour possible. Tu accuses durement les tiens. Crois-tu que ce soit d'un cœur léger? S'il me faut les accuser pour leur péché, c'est le châtiment des miens propres. Ne crois pas que je les ai fuis uniquement pour échapper à la ruine commune que je voyais imminente. Qui se croirait assez pur pour oser se soustraire au grand tribunal du Seigneur? Je vins à toi parce que mon Dieu me le commandait. Je dois te conduire à Jérusalem, je dois remettre mon peuple en tes mains, comme un troupeau privé de berger. Il me l'a ordonné en une nuit de prière désespérée, où j'implorais de lui à genoux, pour toi et les tiens, mille sortes de fléaux, où chacune de mes pensées cherchait à te ligoter, à t'étouffer. Sa voix retentit. Et je poussais de grands cris d'allégresse. Mais il avait rejeté ma prière. Il prononça la sentence de mort de mon peuple, et de la charge du bourreau, c'est mon âme qui fut investie. Oh, quel changement! Je me raidis, mais j'obéis. Je quittai la ville en hâte, secouant la poussière de mes pieds. J'arrivai devant toi et t'exhortai à les anéantir. Alors que peu d'instants avant, j'aurais sacrifié mon corps et mon sang pour leur salut. Tu le vois, ils m'outrageront, flétriront mon nom à jamais. C'est pire que la mort. Et cependant, je persévère et ne fléchis point. Ils n'en feront rien. Qui pourra t'outrager si je n'en laisse pas un seul en vie? En vérité, si ton Dieu accomplit ce que tu dis, il faudra qu'il soit aussi mon Dieu. Et je te ferai plus grande que nulle femme ne fut jamais. Garde! Conduis-la au trésor et nourris-la de ma table. Seigneur, je ne puis encore manger ta nourriture, car ce serait un péché. Je ne suis point venu à toi pour renier mon Dieu, mais pour le mieux servir. J'ai pris quelque chose avec moi dont je me nourrirai. Et quand ce sera épuisé? Sois-en assuré. Avant que j'aie consommé ce peu de choses, mon Dieu aura accompli par moi ce qu'il a résolu. J'ai assez pour 5 jours. Et en 5 jours, il aura terminé. Je ne sais pas encore l'heure, et mon Dieu ne me la dira point avant qu'elle soit arrivée. Aussi donne des ordres afin que, sans être arrêté par les tiens, je puisse sortir dans la montagne et jusque dans la ville pour prier et attendre la révélation. Tu as la permission. Je n'ai jamais fait surveiller les pas d'une femme. Dans 5 jours, donc, Judith. Dans 5 jours, le faire? Maudite! Tu es donc venue pour trahir ton peuple. Parle haut! Il est bon que tous entendent que toi aussi tu crois à mes paroles. Dis-toi-même, Judith, ne dois-je pas te maudire? Tant mieux pour moi. Si tu ne doutes pas, à coup sûr, Olofer non plus ne peut douter. Tu pleures? Des larmes de joie de t'avoir trompé. Je frémis de la puissance que le mensonge a dans ma bouche. De nouveau, la tente d'Holoferne. C'est le soir, la tente d'Holoferne est éclairée. Au fond, un rideau masque la chambre à coucher. Tu viens des renseignements? Où en est-on dans la ville? On dirait qu'ils s'y sont tous enterrés eux-mêmes. Ceux qui veillent aux portes sont comme levés des tombeaux. J'ai visé l'un d'eux, mais avant que je n'eusse décoché le trait, l'homme de lui-même était tombé mort. Victoire sans combat. Plus jeune, voilà qui m'eût déplu. Ma vie me paraissait volée, si je n'en faisais chaque jour à nouveau la conquête. Ce qui m'était offert en présent, je ne croyais nullement le posséder. On voit des prêtres se traîner, muets et graves, par les rues. De longs vêtements blancs comme en portent les morts de chez nous. Des yeux caves cherchant à pénétrer le ciel. Les doigts pris de crampes lorsqu'ils joignent les mains. Que l'on n'aille pas me tuer de tels prêtres. Ce désespoir sur leur visage est mon allié. Lorsqu'ils lèvent les yeux au ciel aujourd'hui, ce n'est point pour y chercher leur dieu, mais un nuage de pluie. Le soleil cependant consume les nuées légères qui promettaient une goutte rafraîchissante, et ses rayons brûlants tombent sur les lèvres crevassées. Alors les poings se serrent, les yeux s'égarent, les têtes s'écrasent au mur et le sang coule avec la cervelle. Nous l'avons vu souvent. Nous avons bien connu nous-mêmes une famine où chacun s'écartait peureusement quand l'autre voulait l'embrasser, de crainte d'une morsure en pleine joue. Allons, qu'on prépare le repas. Et soyons gais. N'est-ce pas le 5e jour? Demain, oui. Tout va donc se décider. Si Béthulie se rend comme cette juive l'annonçait, s'il vient d'elle-même en rampant, la ville opiniâtre se coucher à mes pieds. À la ferme, douterait-il? Oui, de tout ce qu'il ne peut ordonner lui-même. Mais s'il en advient, comme l'a promis cette femme, si l'on ouvre sans que j'aie à frapper de l'épée contre la porte, alors... Alors? Alors nous aurons un nouveau dieu. En vérité, j'ai juré que le dieu d'Israël, s'il me causait un plaisir, serait aussi mon dieu à moi. Et par tous ceux qui sont déjà mes dieux, par le Bel de Babel et par le grand Baal, je tiendrai parole. Tenez, une coupe de vin que je lui porte en offrande à ce jet Comment disais-tu donc là? Jéhovah. Ah, Jéhovah. Que cette libation te soit agréable, Jéhovah. C'est un homme qui te l'offre, un homme que rien n'y contraignait. Et si Béthulie ne se rend pas? Serment pour serment. En ce cas, je ferai fouetter le Jéhovah. Et quant à la ville, mais je ne peux point déjà fixer les bornes à ma colère. Ce serait vouloir discipliner la foudre. Que fait la juive? Oh, elle est belle. Mais elle est farouche aussi. Tu l'as entreprise? Tu as osé? Sachant qu'elle me plaisait, attrape, chien! Ah! Emporte-le! Et amène-moi cette femme. C'est une honte qu'elle aille et vienne intacte parmi nous. Assyrien! Une femme est une femme. Ah, et pourtant, l'on s'imagine qu'il y a des différences. Nulle part, assurément, un homme n'apprécie ce qu'il vaut, comme sur le sein des femmes. Ah, lorsqu'elle tremble au devant de son étreinte partagée entre la volupté et la honte, lorsqu'elles font mine de fuir pour aussitôt s'élancer à son cou, vaincues par la nature, lorsque se rassemblent leurs derniers restes de liberté de connaissance, toute bravade est en vaine pour les pousser à se rendre de bon gré, lorsque leur désir, éveillé dans chaque goutte de leur sang par des baisers insidieux, lutte de vitesse avec le désir de l'homme et qu'elle le provoque au lieu de lui résister. Oui, voilà qui est vivre. Voilà où l'on apprend pourquoi les dieux se sont donné la peine de faire des hommes. Voilà où la jouissance déborde. Et bien plus, si l'instant d'avant leur petite âme était encore remplie de haine et de rancune peureuse, si l'œil qui s'éteint maintenant dans l'extase restait clos et farouche à l'entrée du vainqueur, si la main caressante qui le presse eût volontiers mêlé du poison à son vin, c'est là un triomphe qui passe tous les autres. Et j'en ai souvent fêté de semblables. Cette Judith aussi. À vrai dire, son regard est amical et ses joues souriantes comme la lumière du jour. Mais dans son cœur, personne n'a place que son Dieu, et je m'en vais l'en chasser. Dans ma jeunesse, il m'arrivait bien, rencontrant un ennemi, au lieu de tirer ma propre épée, de lui arracher la sienne et de m'en servir pour le tuer. De même, je vaincrais celle-ci. Avec moi, il faut qu'elle se perde par ses seuls sentiments, par la trahison de ses sens. Tu as ordonné, Seigneur, et ta servante t'obéit. Assieds-toi, Judith, et mange et bois, car tu as trouvé grâce devant moi. Je veux bien, Seigneur, et je serai joyeuse, car de ma vie, je ne fus honorée comme en ce moment. Mais pourquoi hésites-tu? Oh, Seigneur, ce sang à terre. Oh. Je suis femme. Contemple bien ce sang. Il doit flatter ta vanité. S'il a coulé, c'est qu'il s'était enflammé pour toi. Hélas. D'autres tapis! Éloignez-vous. Mes cheveux se dressent. Et cependant, je te sais gré, mon Dieu, de me faire voir le monstre sous cet aspect nouveau. Le meurtre du meurtrier me sera plus facile. Repose-toi maintenant. Te voilà pâle, ton sein bas. Te fais-je peur? Seigneur, tu me fus accueillant. Non, sois sincère, femme. Seigneur, tu me mépriserais. Eh bien? Si je pouvais t'aimer. Femme, tu risques beaucoup. Non, pardon, tu ne risques rien. Une telle parole, je ne l'avais pas encore entendue. Prends cette chaîne d'or pour ce mot. Seigneur, je ne te comprends point. Malheur à toi si tu m'eusses compris. Le lion regarde avec bienveillance un enfant téméraire qui, sans le connaître, lui tire la crinière. Si l'enfant, une fois grand et avisé, voulait recommencer, le lion le mettrait en pièces. Assieds-toi près de moi. Nous allons bavarder. Dis-moi, que pensas-tu en apprenant que je menaçais ta patrie avec une armée? Je ne pensais rien. Oh, femme, l'on pense à bien des choses lorsqu'on entend le nom de Holoferne. Je pensais au dieu de mes ancêtres. Et tu me maudissais? Non. J'espérais que mon dieu s'en chargerait. Donne-moi Le premier baiser. Oh, pourquoi suis-je femme? Lorsque tu entendis le roulement de mes chars, et le piétinement de mes chameaux, et le cliquetis de mon épée, que pensais-tu? Je songeais que tu n'étais pas le seul homme qui fut au monde, qu'Israël serait engendré ton égal. Oui, mais lorsque tu t'aperçus que mon nom seul suffisait à jeter ton peuple dans la poussière, que votre Dieu négligeait son miracle et que vos hommes souhaitaient des vêtements de femme. J'ai crié « fille ». Je cachais mon visage chaque fois que j'apercevais un homme. Et si je voulais prier, mes pensées se soulevaient contre moi-même et se déchiraient entre elles et s'enroulaient comme des serpents autour de l'image de mon Dieu. Oh, depuis que j'ai ressenti cela, je m'effraie de mon propre cœur. Il m'apparaît comme une caverne que le jour illumine et qui recèle pourtant ses recoins les plus affreux reptiles. Comme elle sent pourpre. Elle me rappelle une boule de feu que par une nuit noire je vis monter dans le ciel. Sois bienvenue, volupté, épanouie aux flammes de la haine. Embrasse-moi, Judith. Ses lèvres percent comme des sangsues, et pourtant sont froides. Bois du vin, Judith. Dans le vin se trouve tout ce qui nous manque. Oui, on trouve du courage dans le vin. Du courage. Ainsi, tu as besoin de courage pour t'asseoir à ma table auprès de moi, pour soutenir mes regards, et pour venir au-devant de mes baisers. Pauvre créature. Oh, toi. Pardon. Judith, je vois jusque dans ton cœur, tu me hais. Donne-moi ta main et raconte-moi ta haine. Ma main, au raillerie qui porte la hache aux racines de mon être. En vérité, cette femme est désirable. Éclate, mon cœur ne retient plus rien. Oui, je te hais. Je te maudis. Il faut que je te dise, que tu saches à quel point je te hais, à quel point je te maudis. Sinon, j'en perdrai la raison. Tue-moi, maintenant. Te tuer? Demain, peut-être. Aujourd'hui, nous allons d'abord coucher ensemble. Oh, comme ça lège ma conscience. Soudain, je le puis à présent. Seigneur, un Hébreu attend devant la tente. Il supplie ardemment qu'on le laisse venir jusqu'à toi. Des affaires de toute importance... De l'ennemi? Introduis-le. Seigneur. Vont-ils se rendre? Alors, dans ce cas, dis-moi donc vite les noms de tes parents, de tes amis. J'épargnerai cela. Seigneur, me promets-tu la vie? Je te promets. Bien. Coquin! Tu cherches à frapper Holoferne! Je vais t'apprendre comment on abat un homme! Non! Judith a vu cela. Honte à moi pour l'éternité. Ne t'en avise pas une seconde fois! Veux-tu donc m'empêcher de tenir parole? Je t'ai promis la vie. Il me faut donc te protéger aussi contre toi-même. Saisissez-le! Mon singe favori vient de crever, n'est-ce pas? Mettez celui-ci dans sa cage et enseignez-lui les tours de son grotesque devancier. Cet homme est une curiosité. C'est le seul qui puisse se vanter d'avoir cherché à frapper Holoferne et d'avoir tiré sa peau intacte de l'aventure. Je veux le montrer à la cour. Est-il beaucoup de serpents à Bétulie? Non, mais plus d'un fou. Tuer Holoferne. Éteindre la foudre qui menace d'incendier le monde. Étouffer en germe une immortalité. Faire d'un homme au début audacieux un burlesque vantard en mettant fin trop tôt à sa carrière. Ah, ce doit être tentant. C'est s'emparer des rênes du destin. Une telle entreprise me séduirait moi-même. Si je n'étais ce que je suis. Mais faire de grandes choses par de petits moyens, commencer par tresser un filet pour capturer le lion dans sa propre magnanimité, et puis tomber sur lui pour le tuer, oser l'action, en éludant à l'avance le danger à force de lâcheté et de malice. N'est-ce pas, Judith, que c'est fabriquer des dieux avec de la crotte? Et tu dirais, fille, si ton meilleur ami s'y prenait ainsi contre ton pire ennemi. Tu es grand et les autres sont petits. Dieu de mes pères, protège-moi contre moi-même, que je ne sois point obligé d'adorer ce que je déteste. C'est un homme. Prépare ma couche. Vois-tu, femme, ces deux bras se sont plongés dans le sang jusqu'au coude. Chacune de mes pensées engendre l'horreur et la dévastation. Ma voix donne la mort. Le monde m'apparaît misérable. Il me semble être né pour le détruire afin que quelque chose de meilleur le puisse remplacer. Les hommes me maudissent. Mais leur malédiction ne reste point attachée à mon âme, qui, remuant ses ailes, la secoue comme une poussière. Il faut donc bien que j'aie raison. Oh, Loferne, tu ne sais pas ce que l'on souffre. Gémissait une fois un homme que je faisais rôtir sur un gril ardent. En vérité, je n'en sais rien, fis-je, en me couchant à ses côtés. Non, n'admire pas, c'était une folie. Assez, assez, il faut que je le tue si je ne veux pas m'agenouiller devant lui. La force ! La force ! Voilà qu'il vienne ! Celui qui me résistera, celui qui me jettera bas ! Je soupire après lui. C'est monotone de ne pouvoir rien estimer que soi-même. Il pourra m'écraser dans un mortier. Et s'il lui plaît, boucher avec cette bouillie le trou que j'ai fait au monde. Mon épée creuse toujours et toujours plus profond. Si les cris de détresse n'éveillent pas le sauveur, c'est qu'il n'y en a point. L'ouragan parcourt les airs. Il voudrait connaître son frère. Les chaînes qui semblent le braver, il les déracine. Les tours, il les renverse. La terre, il la soulève de ses gonds. Il comprend alors que son égal n'existe pas. Et de dégoût, il s'endort. Nabucodonosor est-il mon frère? Ben, il est mon maître, à coup sûr. Peut-être jettera-t-il ma tête aux chiens. Grand bien leur fasse la nourriture. Peut-être est-ce moi qui jetterai ses entrailles aux tigres d'Assyrie. Alors oui, alors je saurai que je suis la mesure du pouvoir humain. Et pendant une éternité, je resterai aux yeux éblouis des hommes, une divinité inaccessible, environnée d'horreur. Oh, le dernier moment, le dernier. Que n'est-il déjà venu ? Venez tous à qui j'ai fait du mal, m'écrirai-je. Vous que j'ai mutilé, vous à qui j'ai arraché vos femmes, vos filles. Venez et inventez pour moi des tortures. Tirez-moi le sang et faites-le-moi boire. Taillez la chair de mes reins et donnez-la-moi à manger. Et quand ils croiront m'avoir fait souffrir le pire, je leur nommerai quelque chose de pire encore et les prierai en grâce de ne point m'en priver. Quand ils seront autour de moi stupéfaits et frissonnants, et moi, malgré tous mes tourments, leur souriant dans la mort et le délire, alors je leur crierai d'une voix de tonnerre, « À genoux, car je suis votre Dieu !» Et je fermerai les lèvres et les yeux, et je mourrai immobile et sacré. Et si le ciel lance sur toi sa foudre pour t'anéantir? Alors, comme si je l'y avais invité moi-même, je tendrai la main, et l'éclair mortel me vêtira d'une lugubre majesté. Mes pensées, mes sentiments s'entrecroisent comme des feuilles mortes. Homme effroyable, tu t'imposes entre moi et mon Dieu. Ce serait l'instant de prier, je ne le peux pas. Prosterne-toi et adore-moi. Oh, j'y vois clair de nouveau. Toi, tu te targues de ta force. Ne sens-tu pas qu'elle s'est transformée, qu'elle est devenue ton ennemi? Je me réjouis d'entendre quelque chose de neuf. Tu crois que son destin est d'affronter l'univers? Et si elle n'était là que pour se dompter elle-même? Mais tu en as fait l'aliment de ta fureur, tu es le cavalier que ses coursiers dévorent. Oui, oui, la force est appelée à se détruire. Ainsi parle la sagesse qui n'est point la force. Me battre avec moi-même, faire trébucher ma jambe droite contre ma jambe gauche, plutôt que de fouler la fourmilière voisine. Ce fou dans le désert, qui se battait contre son ombre, et qui s'écria lorsque la nuit vint à tomber. Me voici vaincu, mon ennemi est devenu grand comme le monde. Ce fou était vraiment... très raisonnable, n'est-ce pas? Oh, montre-moi donc le feu qui s'éteindrait lui-même. Vous ne le trouvez pas. Montrez-moi donc celui qui se nourrirait lui-même. Ne le trouvez-vous pas davantage? Dites-moi alors s'il convient à l'arbre de porter un jugement sur le feu qui le dévore. Je ne sais si l'on peut rien te répondre. Où était le siège de mes pensées maintenant? C'est le vide et les ténèbres. Mon cœur même, je ne le comprends plus. Tu aurais le droit de rire de moi. On ne cherche pas à faire entendre de telles choses à une femme. Apprends à faire cas de cette femme. Elle est devant toi pour t'assassiner, elle te le dit. Et elle me le dit pour se rendre l'acte impossible. Oh, lâcheté qui se tient pour grandeur. Mais tu n'y penses que parce que je ne t'emmène pas au lit avec moi. Pour me protéger de toi, je n'ai qu'à te faire un enfant. Tu ne connais pas de juives. Tu ne connais que des créatures qui se sentent heureuses dans leur avilissement le plus profond. Bien, Judith. Je veux te connaître. Tu peux te cabrer encore un moment. Je te dirai moi-même jusqu'où. Encore une coupe. Maintenant, cesse de résister. En voilà assez. Et celui qui me troublera cette nuit le paiera de sa tête. Honte sur moi dans le temps et l'éternité, si je ne peux pas. Tu vas rester là? Je dois attendre ma maîtresse. Pourquoi n'es-tu pas une femme comme Judith? Je pourrais être aussi heureux que mon maître. Pourquoi n'es-tu pas un homme comme Holoferne? Je suis ce que je suis, pour la commodité d'Holoferne. Pour que ce grand héros n'ait pas à porter sa nourriture, ni à verser son vin lui-même. Afin qu'il ait quelqu'un pour le conduire au lit, lorsqu'il est ivre. Mais toi, réponds-moi aussi. Pourquoi y a-t-il au monde des femmes laides? Pour qu'un fou les puisse railler. Oui, oui. Et pour qu'on leur crache au visage en plein jour, s'il en a eu le malheur de les embrasser dans l'obscurité. Une fois, Holoferne a tué une femme qui avait mal choisi l'heure de se présenter devant lui, parce qu'il ne la trouvait pas assez belle. Il a toujours raison. Rampe te cacher dans un coin, araignée juive. Et tais-toi. Me taire. Oui, me taire. Je crois que là-bas, on tue quelqu'un. Je ne sais pas si c'est Holoferne ou Judith. Me taire, me taire. J'étais une fois au bord de l'eau et je vis un homme se noyer. La frayeur me poussait à sauter derrière lui, la frayeur me retenait. Je me mis à crier aussi fort que je le pus, et je ne criais que pour ne pas entendre ses cris. Ainsi je parle en ce moment. Oh, Judith, Judith, lorsque tu vas à Holoferne, et par une feinte que je ne compris pas, lui promis de livrer ton peuple entre ses mains, un instant je crus à ta trahison. Je te faisais injure et le sentis aussitôt. Oh, puissais-je encore te faire injure à présent? Puissent tes mots à demi prononcés, tes regards et tes gestes me tromper aujourd'hui comme ils le firent alors? Je n'ai aucun courage. J'ai grand-peur. Mais ici, ce n'est point la frayeur qui parle en moi, ni la peur d'un insuccès. Une femme doit enfanter des hommes. Jamais elle ne doit tuer des hommes. Judith se précipite, les cheveux dénoués et chancelante. Un second rideau se trouve relevé. On voit Holoferne endormi. À son chevet est pendue son épée. Il fait trop clair ici, trop clair. Éteins ces lumières, Mirza. Elles sont sans pudeur. Elle vit et il vit. Qu'as-tu, Judith? Tes joues sont en feu comme si le sang allait jaillir. Ton regard s'effarouche. Ne me regarde pas, jeune fille. Personne ne doit me regarder. Appuie-toi sur moi, tu chancelles. Quoi serais-je si débile? Lâche-moi! Je peux me tenir debout. Je peux plus encore que me tenir debout. Je peux infiniment davantage. Viens, fuyons d'ici. Quoi, es-tu à sa solde? Qu'il m'ait arraché, emporté. Qu'il m'ait tiré à lui sur sa couche odieuse. Qu'il ait étouffé mon âme. Tu as souffert tout cela. Et maintenant que je veux lui faire payer cette déchéance que j'ai trouvée entre ses bras, que je veux me venger de cette prise brutale sur tout mon être, que je veux laver avec le sang de son cœur les baisers déshonorants qui brûlent encore mes lèvres, ne rougis-tu pas de vouloir m'entraîner? Malheureuse, à quoi songes-tu? Misérable créature, ne le sais-tu pas? Ton cœur ne te le dit-il pas? Je songe au meurtre. Y a-t-il donc le choix? Dis-le-moi, Mirza. Je ne choisirai point le meurtre, si. Que dis-je là? Pas un mot de plus, femme, le monde tourne autour de moi. Viens. Jamais. Je veux t'enseigner ton devoir. Vois, Mirza, je suis une femme. Oh, je ne devrais point le sentir en ce moment. Écoute et fais ce que je te demande. Si ma force m'abandonnait, si je tombais évanouie, ne me jette pas de l'eau. C'est inutile. Crie-moi à l'oreille, tu es une catin. Je sursauterai, je t'empoignerai peut-être et chercherai à t'étrangler. Ne t'effraie pas. Mais crie-moi encore. Holoferne a fait de toi une catin. Et Holoferne vit encore. Oh, Mirza, je deviendrai alors un héros. Un héros comme Holoferne. Tes pensées te dépassent. Tu ne m'entends pas. Mais tu dois m'entendre, il le faut. Mirza, tu es vierge. Laisse-moi éclairer la sainteté de ton âme de vierge. Une vierge est une créature folle qui tremble de ses propres songes, car un songe peut lui porter un mortel dommage, et elle ne vit pourtant que de l'espoir de ne point demeurer vierge éternellement. Il n'est pas de moment plus grave pour une vierge que celui où elle cesse de l'être, et chaque élan de son sang qu'elle avait réfréné, chaque soupir qu'elle avait étouffé, exhale le prix du sacrifice qu'elle offre alors. Elle s'offre tout entière. Est-ce une exigence trop fière? Si elle veut tout entière inspirer le ravissement et la joie suprême. Mirza, m'écoutes-tu? Comment ne t'écouterai-je pas? Alors songe-y dans toute son horreur nue. Cherche à te le figurer jusqu'au point où la honte, avec ses mains levées, se dressera entre toi et tes visions, et où tu maudiras un monde où le plus monstrueux est possible. Quoi donc? Que dois-je me figurer? Ce que tu dois te figurer. Toi-même en ta plus profonde dégradation. L'instant où ton corps et ton âme sont pressurés pour succéder au vin dont on a bu à l'excès, et pour achever une ivresse grossière par une plus grossière encore, où le désir qui s'endort emprunte à tes propres lèvres assez de feu pour commettre un forfait sur ce que tu as de plus sacré, où tes sens même, comme des esclaves enivrés qui ne reconnaissent plus leur maître, se soulèvent contre toi, où tu commences à tenir toute ta vie passée, toutes tes pensées et tous tes sentiments pour une simple rêverie orgueilleuse, et la honte pour ta condition véritable. Bienheureuse qui ne suis pas belle. Je ne m'en rendais pas compte en arrivant ici. Mais combien cela me devint invisible lorsque j'entrais là. Lorsque mon premier regard tomba sur la couche préparée, je me jetai à genoux devant le monstre et je gémis, épargne-moi. S'il avait écouté le cri de terreur de mon âme, jamais... jamais je ne pourrais le... Mais pour toute réponse, il arracha ma tunique et vanta mes seins. Je mordis ses lèvres lorsqu'il m'embrassa. Modère ton ardeur, tu vas trop loin, railla-t-il. Oh, ma connaissance allait m'abandonner, je n'étais plus qu'un vertige quand un métal étincela devant mes yeux. C'était son épée. À cette épée se cramponnèrent mes pensées en déroute, et si j'ai perdu, déshonoré le droit de vivre, je peux le reconquérir avec cette épée. Prie pour moi! Maintenant, je le ferai! Elle s'élance dans la chambre et décroche l'épée. Éveille-le, mon Dieu. Oh, Mirza, quelle prière fais-tu? Dieu soit loué, elle ne peut pas. N'est-ce pas, Mirza, que le sommeil est Dieu même, entourant de ses bras les hommes fatigués? Celui qui dort doit être en sûreté. Et il dort paisible. Il ne soupçonne point que le meurtre tourne contre lui sa propre épée. Il dort paisible. Oh, femme au cœur lâche! Ce qui devrait te révolter te fait pitié? Ce sommeil paisible après une heure pareille? N'est-il pas le pire outrage? Suis-je donc un ver que l'on puisse me fouler aux pieds et ensuite, comme si de rien n'était, paisiblement s'endormir? Je ne suis pas un ver. Il sourit. Je le connais, ce sourire d'enfer. C'est ainsi qu'il souriait lorsqu'il m'attira contre lui, lorsqu'il me... Tue-le. Judith, il te déshonore pour la seconde fois dans son rêve. Son sommeil cynique ne fait que remâcher ta honte. Il bouge. Vas-tu hésiter jusqu'au moment où son désir rallumé l'éveillera, où il te saisira de nouveau, et... Vois-tu, Mirza, voilà sa tête! Oh! Oh, l'enfer, ne fais-tu qu'à de moi, désormais! Soutiens-moi. Elle perd connaissance? Mon action est-elle donc un forfait si atroce qu'elle fige le sang dans ses veines et la renverse comme morte? Éveille-toi de ta défaillance! Insensé! Ta défaillance m'accuse, je ne le permettrai pas! Jette donc un linge là-dessus. Sois forte, Mirza, je t'en supplie. Sois forte. Chacun de tes frissons me coûte une part de moi-même. Ce recul épouvanté, ce regard qui se dérobe sans pitié, cette pâleur de ton visage pourrait me persuader que j'ai agi monstrueusement. Et je devrais alors moi-même... Oh, Judith! Oh, réjouis-toi, mon cœur. Mirza peut m'embrasser encore. Mais hélas, elle ne se réfugie sur ma poitrine que pour ne point voir le mort. Parce qu'elle tremble devant une seconde défaillance. Ou bien mon baiser te vaut-il cette seconde faiblesse? Tu me fais du mal. Et à toi bien davantage. N'est-ce pas, Mirza? Si c'était un forfait, si j'étais réellement coupable... Tu ne me le ferais pas sentir, n'est-ce pas? Même si je me voulais juger et condamner, tu me dirais doucement, n'est-ce pas? Tu te fais injure, c'était une action héroïque. Oh, ne va pas te figurer que je sois comme une mendiante devant toi, que je me sois déjà condamnée, et que j'attende de toi ma grâce. Ce fut une action héroïque, car celui-là, c'était Holofernes. Et moi, je suis une créature comme toi. C'est plus qu'une action héroïque. Je voudrais voir le héros à qui sa plus belle action ait seulement coûté la moitié de ce que me coûta la mienne. Tu parlais de vengeance. Il me faut d'abord te demander pourquoi vins-tu dans l'éclat de ta beauté au camp de ces païens? Si tu n'y étais jamais entré, tu n'aurais rien eu à venger. Pourquoi je vins? La détresse de mon peuple me guillonna jusqu'ici. La famine menaçante, la pensée de cette mère qui se trancha les veines pour étancher la soif de son enfant mourant. Oh, me voici réconciliée avec moi-même. J'avais tout oublié pour ne penser qu'à moi. Tu l'avais oublié. Ce n'était donc pas là ce qui te poussait lorsque ta main se trempa dans le sang? Non. Non. Tu as raison, ce n'était pas cela. Rien que la pensée de moi-même. Oh, quelle confusion ici. Mon peuple est délivré, mais si un rocher avait broyé Holofernes, mon peuple devrait à ce rocher plus de reconnaissance qu'il ne m'en doit à présent. De la reconnaissance. Qui en veut? Mais je dois porter seul le poids de mon action et elle m'écrase. Holofernes t'a prise. Si tu lui enfantes un fils... Que lui répondras-tu lorsqu'il te questionnera sur son père? Mirza, je veux mourir. Je veux courir au travers du camp endormi. Je veux brandir la tête d'Holofernes. Je veux clamer mon meurtre, afin que des milliers d'hommes se lèvent et me déchirent. Alors ils me déchireront aussi. Que dois-je faire? Mon cerveau s'évanouit en fumée. Mon cœur est pareil à une blessure mortelle. Et cependant, je ne puis rien concevoir que moi-même. Si cela, du moins, s'était passé autrement. Je me sens comme un œil qui regarderait au-dedans. Et en m'observant avec attention, je diminue. Assez, sinon je disparaîtrais. Dieu, l'on vient. Reste tranquille, personne ne peut venir. J'ai frappé le monde au cœur. Et j'ai frappé juste. Il faut bien qu'il s'arrête. Que va dire Dieu demain matin, s'apercevant que le soleil ne peut plus avancer et que les étoiles sont boiteuses? Me punira-t-il? Oh non, car je suis la seule qui vive encore. D'où reviendrait alors la vie? Comment pourrait-il me tuer? Judith! Aïe, mon nom me fait mal. Judith! Laisse-moi dormir. Les rêves sont des rêves. N'est-ce pas drôle, je pourrais pleurer maintenant. Si quelqu'un seulement me disait pourquoi. C'en est fait d'elle. Judith, tu es une enfant. Sans doute, grâce à Dieu. Figure-toi que j'avais oublié en jouant. Je m'étais glissée dans la maison comme dans un cachot et derrière moi, c'était refermé terriblement, solidement, comme une porte d'airain. N'est-ce pas? Demain, je serai encore une enfant. Et après-demain aussi. Viens, nous allons nous remettre à jouer. Mais à un meilleur jeu. J'étais à l'instant une méchante femme qui avait tué quelqu'un. Ouh. Dis-moi ce qu'il faut être à présent. Dieu, elle perd le sens. Dis-moi ce qu'il faut être, vite, vite, vite, sans quoi je vais redevenir ce que j'étais. Regarde. Crois-tu que je l'ai oublié? Oh non. Non, j'appelle seulement la folie. Mais son crépuscule m'envahit à peine et se retire, et la nuit ne vient pas. Il y a dans ma tête 1000 trous de taupe, mais tous sont trop étroits pour mon grand et gros esprit. Et c'est en vain qu'il cherche à s'y tapir. L'aube n'est plus éloignée. Ils vont me torturer avec toi s'ils nous trouvent ici. Ils nous arracheront les membres l'un après l'autre. Crois-tu vraiment que l'on puisse mourir? Je sais bien que tous y croient et qu'il faut y croire. Jadis, j'y croyais aussi. Maintenant, la mort m'apparaît une absurdité, une chose impossible. Mourir. Oh. Ce qui me ronge en ce moment me rongera toujours. Ce n'est point comme le mal de dents ou la fièvre, cela fait corps avec moi-même. Et il en ira ainsi éternellement. Oh, l'on s'instruit dans la douleur. Celui-là non plus n'est pas mort. Qui sait si ce n'est pas lui qui me dit tout cela? S'il ne se venge pas de moi en révélant à mon esprit terrifié le secret de son immortalité. Judith, aie pitié, viens. Oui, oui, oui, oui, je t'en prie, Mirza, dis-moi toujours ce que je dois faire. J'ai peur d'agir encore par moi-même. Eh bien, suis-moi. Ah. Il ne faut pourtant pas que tu oublies le plus important. Mets la tête qui est là-bas dans ce sac. Je ne veux pas la laisser ici. Tu refuses? Alors je ne ferai plus un pas. Vois-tu, cette tête est ma propriété. Je dois l'emporter afin qu'on me croie à Béthulie. Et... hélas, hélas, on va me glorifier et chanter mes louanges quand j'annoncerai. Hélas encore, il me semble que j'y avais déjà songé. Eh bien. C'est clair, écoute, Mirza, je vais dire que c'est toi qui l'as frappé. Moi? Oui, Mirza. Je dirai qu'à l'heure de la décision, le courage m'a fait défaut. Mais que l'Esprit du Seigneur est descendu sur toi et que tu as délivré ton peuple de son pire ennemi. Alors on me méprisera comme un instrument qu'a rejeté le Seigneur et il y aura pour toi des éloges et des chants de gloire dans Israël. Jamais. Ah, tu as raison. C'était la lâcheté. Leurs cris de joie, le bruit de leurs cymbales et de leurs tambours me briseront. Et ce sera ma récompense. Viens. Une place publique à Béthulie. De nombreux groupes de prêtres, de femmes et de mères. Le jour se lève. Vous nous avez trompés en disant que notre Dieu était tout-puissant. Est-il semblable à un homme qu'il ne puisse pas tenir ce qu'il promet? Il est tout-puissant. Mais vous-même, leviez les mains. Il ne peut vous venir en aide qu'autant que vous le méritez. Hélas, hélas, qu'allons-nous devenir? Regardez en arrière et vous saurez ce qui vous attend. Une mère peut-elle avoir péché à ce point que son enfant innocent doive périr de soif? La vengeance n'a point de borne quand le péché n'en connaît pas. Et moi, je te dis, prêtre, qu'une mère ne peut avoir péché à ce point. Le Seigneur en courroux peut encore étouffer son enfant dans ses flancs. S'il est au monde, il doit vivre. Si nous enfantons, c'est afin de posséder deux fois notre corps et de pouvoir l'aimer dans l'enfant où il nous sourit en toute pureté et sainteté, lorsqu'il nous faut le haïr et le mépriser en nous-mêmes. Tu te flattes! Dieu te fait enfanter afin de te pouvoir châtier dans ta chair et dans ton sang et poursuivre encore au-delà du tombeau. N'y a-t-il donc pas assez de désespérés dans la ville? As-tu resté oisif quand tu devrais sommer? Pousse-la à tes racines où le sol est le plus meuble. Mon enfant ne doit pas souffrir pour moi, emporte-le. Je m'enfermerai chez moi, songeant à tous mes péchés et m'infligeant pour chacun une double torture. Je me tourmenterai jusqu'à ce que je meure, ou que Dieu même s'écrie du haut du ciel. Arrête. Conserve ton enfant et prends-en soin. Telle est la volonté du Seigneur, ton Dieu. Oui. Je le contemplerai jusqu'à ce qu'il devienne blême. Que ses gémissements s'éteignent et que son souffle cesse. Je ne détournerai pas de lui un seul regard, quand même la souffrance remplirait ses yeux de sagesse avant le temps, et quand même un abîme de misère m'épouvanterait. Je veux ainsi expier mieux que personne. Mais s'il avance encore en sagesse, s'il regarde le ciel et s'il serre les poings... Il te faudra lui joindre les mains et reconnaître avec terreur qu'un enfant aussi peut se révolter contre Dieu. Le bâton de Moïse a frappé le rocher et une source fraîche en a jailli. C'était un rocher. Qu'es-tu donc, saint maudit, gonflé du plus ardent amour, pressé par des lèvres tièdes, innocentes? Tu ne donnes pourtant pas une goutte de lait. Donne, épuise toutes mes artères et donne à boire une fois encore au petit être. N'es-tu pas ému? Si, mais je ne vois jamais dans l'émotion qu'une tentation d'être infidèle envers moi-même. Et je la réprime. Chez toi, l'homme se répand en eau. Tu peux le recueillir dans un mouchoir ou en arroser une violette. Les larmes sont permises qu'on ne verse point sur soi-même. N'auras-tu pas une consolation pour elle? Non. Alors, ton Dieu n'existe nulle part que sur tes lèvres. Ce mot seul mériterait que Béthulie tombât aux mains d'Holoferne. C'est sur ton âme que je fais retomber la perte de la ville. Tu demandes pourquoi cette femme souffre? Parce que toi, tu es sa sœur. À travers ma propre douleur, je ressens la douleur de cette femme. Ah, oh, c'est horrible. Ce n'est pas encore le plus horrible. Il commencera seulement lorsque cette femme s'avisera qu'elle pourrait manger son enfant. Je crains que ma femme ait déjà conçu pareille pensée. Mais tu es fou! Pour ne pas la tuer. J'ai fui la maison. Je ne mens pas. Je m'en suis sauvé, par crainte de l'inhumaine nourriture qu'elle semblait convoiter, et parce que je tremblais de pouvoir partager son désir. Notre petit enfant était à l'agonie. Elle, dans une désolation affreuse, s'était jetée à terre. Soudain, elle se souleva et dit tout bas, « Est-ce donc un malheur si l'enfant meurt ?» Alors, elle se pencha vers lui et murmura comme malgré elle, « Il y a encore de la vie en lui. » Ce fut hideusement clair pour moi. Elle ne voyait plus dans son enfant qu'un morceau de viande. « Je devrais aller poignarder ta femme, bien qu'elle soit ma sœur. » »« Tu arriverais trop tôt ou trop tard. Si elle ne s'est pas tuée avant de manger, elle l'aura sûrement fait ensuite. » Peut-être le salut nous viendra-t-il encore. C'est aujourd'hui que Judith devait être de retour. Le salut à présent. À présent. Dieu. Dieu. Je rétracte toutes mes prières. Que tu les puisses exaucer maintenant qu'il est trop tard. C'est une pensée qui ne m'est pas encore venue. Que je ne puisse supporter. Je te louerai et glorifierai. Si tu sais démontrer ton pouvoir infini... Jusque dans notre infinie détresse, pousser mon esprit troublé hors de ses gonds et mettre sous mes yeux une horreur qui me puisse faire oublier et mépriser les horreurs déjà vues. Mais je te maudirai si tu reparais entre moi et mon tombeau, si je dois enterrer ma femme et mon enfant et les couvrir de terre au lieu du limon et de la pourriture de mon propre corps. Qui va là? C'est Judith! Judith, avec la tête de l'offerme! Tu es grand, Dieu d'Israël! Et il n'est point d'autre Dieu que toi! Ceci est la tête de l'offerme! Et voici la main en qui il fut livré! Femme, j'ai vertige à te contempler! Judith a délivré son peuple! Que son nom soit loué! Judith! Salut! Salut, Judith! Oui! J'ai tué le premier, le dernier homme qu'il y ait eu sur terre! Afin que toi, tu puisses paître tes brebis tranquillement. Toi, planter tes choux. Et toi, exercer ton métier et faire des enfants qui te ressemblent. En avant! En avant! Livrez les enceintes! En avant! En avant! Attendez! Attendez encore! Ils ne savent point ce qui est arrivé cette nuit. Attendez qu'ils vous donnent eux-mêmes le signal de l'attaque. Quand leurs cris retentiront, nous nous jetterons sur eux. Il y a une dette entre nous. Une dette dont vous ne sauriez vous acquitter par les prémices de vos troupeaux, ni de vos jardins. Voilà ce qui m'a poussé à accomplir cette action, à vous de la rendre légitime. Soyez vertueux et purs, et je n'aurai pas à la désavouer. Écoutez, il est temps! Voyez cette tête, plantez-la sur une pique et portez-la devant vous. Cette tête doit être enterrée à l'instant. Les gardes à la source s'enfuient en grand désordre. Les capitaines leur barrent le chemin. Ils tournent leurs armes contre lui. L'un des nôtres accourt au devant d'eux. J'étais foiré. Ils ne l'ont pas vu. Ouvrez, ouvrez. Ils auraient pu m'empaler, me faire rôtir sur le grill. J'ai échappé à tout. Maintenant que l'affaire n'a perdu la tête, il en va de même pour eux tous. Venez, venez. Insensé qui craindrait encore. En avant. En avant. C'est un courage de boucher. Mais effacez les noms des héros et à leur place inscrit le tien. Tu as hautement mérité du peuple et de l'Église. Ce n'est plus le passé obscur, c'est toi que je citerai désormais lorsque je voudrais prouver combien est grand le Seigneur notre Dieu. Demande ta récompense. Vous raillez-vous de moi? Si ce n'était pas un devoir sacré, si j'avais eu le droit d'y renoncer, n'était-ce pas orgueil et crime? Quand la victime s'abat en râlant sur l'autel, la tourmentez-vous en lui demandant quel prix elle exige pour son sang et sa vie. Cependant, je demande ma récompense. Promettez-moi d'abord que vous ne refuserez pas. Nous le promettons, au nom d'Israël tout entier. Il faudra donc me tuer quand je l'exigerai. Oui. Oui. Et j'ai votre parole. Tu as notre parole. Judith, Judith. Je ne veux pas mettre au monde un fils de l'Opherne. Prie Dieu pour que mes flancs demeurent stériles. Il me sera peut-être miséricordieux. Judith, tragédie en 5 actes de Frédéric Hebel. Traduction de Gaston Gallimard et Pierre Delanux. Sylvia Monfort était Judith et Daniel Hivernel, Holoferne. Dans les autres rôles, et par ordre alphabétique, Nicolas Amato, Marcel André, Maurice Barnet, Nelly Borgeau, Michel Bouquet, Dominique Bucard, Jean-Roger Cossimon, François Dalou, Pierre Delbon, Philippe Derez, Marcel Dornac, Yves Duchâteau, Simon Haine, Raymond Faure, Jacques Fayet, Pierre Ferval, René Fleur, Jacques Fonson, Lucien Frégis, Paulette Georges, Gaëtan Jor, Philippe Lejour, Marcel Lemarchand, Marie Letourneur, Henri Nassier, Michel Paulin, Jean Péméja, Hubert Prélier, Colette Richard, René Roussel et Lilicieux. Chef opérateur du son, Paul Granger. Collaboration technique, Bernard Denonin et Arlette Lehambre. Assistante, Françoise Charlotte Maé. Réalisation, Guy Delaunay.